Pierre. Prends la chaise, mets-toi en face. C'était juste une question de niveau, les casques et les niveaux, vous les réglez là. Ah, là, par contre, ah oui, mais j'ai. Hein, Qu'est-ce qui vous voit du coup, je vous lance. Okay. Je lance Pierre d'abord. On est à l'antenne. On est déjà à l'antenne. Est-ce que je peux avoir du micro ? Et voilà, on est à l'antenne. Il suffisait juste de monter le son des micros. On est à l'antenne sur Radio Debout. Radio Debout pour cette émission du 64 mars, si je ne me trompe pas, dans notre calendrier. On est donc le 64 mars en direct de la place de la République et c'est une nouvelle édition de Radio Debout qui commence et on va tout de suite commencer avec Pierre, puisque Pierre, dimanche sur cette même place, ça s'est un peu précipitamment arrêté. Ça s'est un peu précipitamment arrêté parce que il y a eu commencé à avoir les CRS qui ont eu quelques échauffourées avec certains manifestants. Du coup, ça a commencé à gazer un petit peu sur la place. Et du coup, on a préféré partir parce que c'était juste plus respirable du tout. Donc, on n'a pas pu faire autrement. Il y avait quelques PAD qui est donc des émissions, des choses toutes prêtes à diffuser qui étaient censées être diffusées mais qui l'ont pas été. Et on va les diffuser ce soir en remplacement et on en diffusera quelques-uns aussi au cours de la semaine. Voilà, donc par rapport à ça, vous pouvez nous écouter sur radiodebout.net en permanence et aussi sur au niveau de tous les podcasts, on essaye de faire le maximum pour mettre tous les podcasts en ligne le plus rapidement possible. Voilà, donc ça sera ce qui va arriver le plus vite possible maintenant. Les podcasts, tu peux dire, ils sont tous en ligne. Tous les podcasts sont en ligne maintenant, alors c'est super, tous les podcasts sont en ligne maintenant, toute la journée de dimanche est en ligne. Et donc voilà, les PAD qui ont été passés seront passés bientôt. Mais on peut déjà les écouter en ligne, tiens. J'ai plus de micro. Donc on va, merci Pierre, on va se tourner vers Alice. En parallèle de ce qui se passe à République, non loin de là, à trois stations de métro, puisque ça se passe au métro Pyrénées, il y a un certain nombre de migrants, de sans-papiers, qui se sont installés dans un vieux lycée qui s'appelle le lycée Jean Jaurès, à une encablure du métro Pyrénées. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'y passe ? Oui, voilà, absolument. Alors, c'est un lycée, donc un ancien lycée technique qui a été investi il y a une dizaine de jours, notamment par l'ensemble des réfugiés qui étaient au camp de Stalingrad. Depuis vendredi dernier, en fait, ils ont reçu une invective de la part de la préfecture qui était une obligation à quitter les lieux sous 72 heures, c'est-à-dire que ça correspondait à hier, lundi soir, 20h. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un appel massif à mobilisation de la part du collectif La Chapelle Debout, qui est le collectif qui a ouvert ce squat et qui a été notamment beaucoup relayé par Les Nuits Debout, un appel à mobilisation et solidarité avec les réfugiés, et donc à occuper la rue devant le squat pour empêcher cette possible expulsion. Donc en fait, hier, j'y suis allée, il y avait environ 150 personnes qui étaient là, qui ont bloqué la rue, c'est-à-dire que la rue a été fermé par des rubalises et des petites palettes d'un bout à l'autre, fermé à la circulation et non pas aux riverains qui pouvaient toujours venir. Et les gens sont restés jusqu'à une heure tardive, hein, environ 1h, 2h du matin, et les CRS ne sont pas venus expulser. Aujourd'hui, il y avait encore un appel à mobilisation, il y avait un pique-nique avec fanfare qui se tenait aujourd'hui à 18h, donc en ce moment même, je pense qu'ils y sont encore. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un appel à soutien de cette communauté pour empêcher l'expulsion par les CRS, parce qu'il faut savoir que ce sont des gens qui viennent du camp de réfugiés de Stalingrad et que moi, en passant pas plus tard que tout à l'heure 15h devant Stalingrad, j'ai pu voir que la sécurité de Paris, c'était une voiture qui était estampillée sécurité de Paris, avait grillagé en fait l'ensemble de l'ancien emplacement du camp de Stalingrad, donc vraisemblablement pour empêcher les réfugiés de revenir une fois qu'ils seraient expulsés. Pour décrire un petit peu la situation à Stalingrad, si je vois bien, ça se passe sous le métro aérien, là où s'étaient installés les migrants. Ouais, c'est ça. C'est l'espace qui est sous les rails du métro, hein, donc dans cette espèce en fait de grand tronçon qui est situé entre Stalingrad et la Chapelle, et d'où vont et viennent depuis maintenant presque 2-3 ans ces camps de réfugiés qui reviennent, qui sont démantelés, parce que c'est des gens qu'on ne reloge pas. Parce que l'enjeu, évidemment, n'était pas nécessairement d'habiter dans ce lycée désaffecté, mais d'obtenir des relogements. Et est-ce que tu as des informations sur les propositions qui sont faites par les pouvoirs publics pour ces migrants qui s'étaient finalement réfugiés sous un toit précaire? Eh bien, justement, il n'y a eu aucune proposition qui n'a été faite à part cet avis d'expulsion. C'est la seule réponse que le tribunal administratif leur a opposée. Mais alors, du coup, quand le gouvernement français va pleurer sur le sort des migrants dans les réunions internationales en demandant à ce qu'on fasse preuve d'humanité et de cœur, c'est pas sérieux? Ah bah, au vu de ce qui se passait à Stalingrad et à Jaurès hier et de ce que j'ai pu constater la semaine dernière, non, c'est complètement absurde et ridicule. Donc est-ce que tu as des infos sur ce qui se passe ce soir? J'imagine qu'il y a un rassemblement qui est maintenu ce soir, ce week-end, etc. Il y a d'autres échéances? Alors, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'ils attendent l'expulsion, hein, puisque à compter de hier 20h, ils sont expulsables selon le référent justif qui leur a été assigné. Donc, au fond, ce qui se passe maintenant, c'est une sorte d'occupation et de rapport de force entre les gens qui resteront devant le lycée, qui ont aussi été invités hier à dormir avec les réfugiés dans le lycée. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait le plus de monde possible qui soit là, qui soit témoin pour empêcher des violences policières en cas d'expulsion, mais également des arrestations arbitraires, hein, parce que bien sûr, il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont sans papier, donc qui risquent aussi d'être dirigées vers des centres de rétention et d'être expulsées du territoire. Alors Alice, violence, arrestation, tu nous fais une transition superbe, puisqu'on va se tourner vers Thierry. Thierry, je ne sais pas grand-chose de toi, si ce n'est que tu es allé te promener dimanche à Nation, et que tout ça, c'est pas si bien passé que ça, manifestement. Oui, c'est ça. Bah... Alors, on parle dans le micro. Ouais. Non, du coup, c'est juste au moment des affrontements à Nation, donc au moment où on sortait de la manif. Alors, rappelons, dimanche, c'était le 1er mai, il y avait une grande manifestation qui arrivait à Nation et qui a été beaucoup encadrée par les CRS, pour le dire comme ça. Ouais, tout à fait. Ils ont... donc, c'était très encadré. Et ils ont gazé toute la place. Il y a eu quelques affrontements. Et au moment de sortir, j'étais avec un pote. Et donc, ils nous ont arrêtés et interpellés. Comment est-ce que ça s'est passé? Ils sont venus, vous avez été filtrés? Ils sont venus vers vous? On était en train de passer les CRS quand l'un d'eux est venu vers nous et est venu sur mon pote en disant que c'était un casseur et qu'il fallait l'isoler. Et donc ils se sont mis à le fouiller, ensuite moi, et donc ils nous ont arrêtés sous motif de participation à manifestation en dissimulant son visage. Et est-ce que tu avais le visage dissimulé? J'avais un foulard pour me protéger des lacrymos, et mon pote avait des lunettes de piscine. Quoi. Pour vous protéger des gaz, parce qu'ils avaient déjà gazé à ce moment-là. Oui, ils étaient en train de gazer, oui. Et donc, la suite, vous avez été... Et donc, on a été emmené au commissariat du 15e. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas grand-chose nous concernant, pas de preuves et que leur motif était un peu bidon. Donc, on a échappé à la Gardave et on a été convoqué aujourd'hui pour être entendu. Et ça a été pour nous deux classé sans suite parce que ils avaient rien et que voilà, il y avait voilà, peut-être juste pour qu'on conclure là-dessus, parce que moi j'étais aussi à la manifestation dimanche, ouais. J'étais très impressionné par le niveau de déploiement policier et de répression qu'il y a eu dans la manif. J'ai l'impression d'avoir fait toute la manif au milieu des gaz, parce qu'il y en avait absolument partout. Et j'ai l'impression que qu'il y avait plus de forces de l'ordre que de manifestants ce jour-là. Est-ce que tu as eu la même impression? Ouais, j'ai eu la même impression. Surtout, bon, à Nation, c'était assez difficile de dire parce que c'était le bordel. Mais en effet, oui, il y avait énormément de CRS. Et est-ce que autour de toi, tu as vu beaucoup d'autres interpellations? Non, j'ai pas eu le temps. On m'a parlé d'autres interpellations, mais moi, j'en ai pas eu. Ok, ben merci d'être venu témoigner. On part vers d'autres aventures. Je crois que vous avez un peu de son à nous diffuser. Alors, je pense que c'est le son de la place de dimanche soir, c'est ça ? Donc en fait, voilà, peut-être pour contextualiser, c'est du son qu'on a pris au moment où, après avoir replié la radio, nous nous sommes repliés en dehors de la place de la République. Donc c'est pourquoi est-ce que nous avons quitté plus tôt dimanche soir ? Alors on est toujours en direct, place de la République sur Radio Debout et manifestement on a du mal à faire partir le magnéto qu'on avait, Alice. Alors bah peut-être que je peux en profiter pour donner une information aussi qu'on vient de me dire, c'est que toute la soirée on est retransmis en direct sur Timbre FM, donc merci Timbre FM, hein, grâce à eux nous sommes sur la FM. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur Timbre FM ? C'est Arras. Une radio de Arras qui nous repique et nous rediffuse toute la soirée ? Non, c'est pas Arras en fait. Ah non. C'est en Bretagne, je crois. Je crois que c'est en Bretagne. Timbre FM, je crois que c'est la radio bretonne. Mais moi, je suis pas plus au courant que ça. Il rediffuse ce soir, c'est ça ? Elle est rediffusée ce soir. Donc Google nous dit que Timbre FM est une radio associative, locale, rurale, diffusée 24 heures sur 24 et sans publicité, s'il vous plaît. Donc Timbre FM, bonjour à Timbre FM. Est-ce que Alice, tu peux nous... Parce qu'on va entendre, ton son dans... Non, c'est bon. Et ben voilà. Allez, rendez-vous sur la place. Personnellement en caoutchouc. Ça a explosé, c'est venu du... Je pense que c'est un truc qu'ils ont lancé. Ça t'a fait mal ? Non, ça m'a pas fait mal, mais... Tu l'aurais pris dans la gueule. Ouais, par contre, tu le prends dans l'œil, clairement. Et ben voilà, on est toujours sur la place de la République. On est donc le... mardi 64 mars et on va aller voir du côté de l'Assemblée Générale ce qu'il se dit ce soir sur la place. On va voir, on va écouter ça tout de suite. L'AG. La personne, pour pas qu'on lui impose nous aussi nos décisions, il suffit devant la loi qu'à l'heure où elle a déclaré, elle dise devant tout le monde, je demande que vous rentrez chez vous, et elle part, du coup elle est plus responsable, et après on est chacun, on est adulte pour savoir ce qu'on a à faire hier soir, c'est ce qui a été fait, il y en a qui ont continué avec un mégaphone, maintenant soit on récolte tous les soirs 1 euro pour acheter un truc, le matériel, on s'en fout. Le principe, c'est de résister, c'est de continuer jusqu'à ce qu'il y ait plus de gens qui sortent. C'est ça, le principe. Donc, le matériel, c'est vrai que c'est un problème politique. Pour l'instant, il n'y a pas de commission financière politique. Donc, voilà. Donc, ça serait bien de voir aussi, parce que c'est l'argent du mouvement, comment on fait. Voilà. Donc, je propose à l'Assemblée de voter... Enfin, de prendre une résolution pour ouvrir un débat sur cette question. Donc, la question, elle est la suivante. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un débat ? Éventuellement, après, je vous proposerai différentes formes de débat là-dessus. Donc, est-ce que l'Assemblée veut ouvrir un débat sur cette question qui vient d'être ouverte ? Donc, qui veut prendre part à ce vote ? Vous levez la main, ceux qui veulent prendre part à ce vote. Est-ce que quelqu'un veut noter le nombre de personnes qui veut prendre part à ce vote ? Donc il y a pour l'instant, s'il n'y a pas assez de personnes qui veulent prendre le débat, c'est pour ça que je n'ai pas lancé le débat tout à l'heure, mais comme on a insisté, j'insiste. Est-ce que des gens veulent voter déjà sur le fait d'ouvrir ce débat sur cette question de la déclaration ? Non mais on l'a déjà dit ça. Donc est-ce que vous voulez faire un débat ? Il y a des gens qui lèvent la main ? Déjà participé ? Bon, je crois qu'il n'y a pas assez de personnes. On va continuer. On donne la parole au suivant. Donc, j'avais bien fait. Si Yayos qui a demandé à prendre un tour de parole. C'est peut-être très mal prononcé, c'est très mal écrit et c'est très mal prononcé. Ça fait beaucoup de difficultés. Donc, on va passer donc la parole à Ferdinand, plutôt. Ferdinand. Alors, bonjour. Moi, je viens ici pour deux raisons. La première raison, c'est quelque chose qu'on a tous remarqué, c'est juste pour faire un point. Je vois qu'on est entouré de CRS sur cette place. Je comprends pas dans un pays où la politique est censée être au centre de la cité, qu'il y ait autant de CRS autour de nous et qu'on se sente entouré plus que protégé. Donc ça, c'est pour le premier point. Je parle directement peut-être aux CRS qui m'entendent. Je ne sais pas si les sonos sont assez fortes. Le deuxième point, c'est pour proposer peut-être une idée qui est la mienne, qui est que... Ok. Pour proposer une idée qui est la mienne, qui serait peut-être que cette convergence qui est aujourd'hui ici à la place de la République soit aussi pour faire revivre peut-être une humanité plus globale qui serait plus tournée, je parlais tout à l'heure à la commission écologique, qui serait plus liée à peut-être un lien entre l'homme et peut-être la nature qui nous fait un peu vivre depuis super longtemps, que peut-être qu'il y ait ce lien avec, voilà, il y a la loi travail, il y a aussi, comme disait la dame tout à l'heure, qui a fait beaucoup de mouvements, ce problème avec la Syrie, avec l'immigration, avec tout ça, mais qu'on rejoigne un peu nos luttes et qu'on se rende compte qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a peut-être plus grand. Et oui, madame, d'accord, mais... Et voilà, je voulais juste dire ça, que peut-être faire un petit rapprochement à la nature, ça ne ferait pas de mal. Il y a le 13 mai, dans toute la France, il y a des places qui sont prises par des groupes de méditants qui vont méditer, qui vont prendre des places pour méditer. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais voilà, je vous informe qu'il y a des trucs comme ça qui se passent à Paris. Je crois qu'il y a à Lille aussi, il y a à Lyon, il y a à Nantes. Donc voilà, je vous informe juste de ça. Bonne soirée à tous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on fasse une traduction en langue des signes ? S'il y a des gens qui ont besoin, il y a quelqu'un qui est prêt à le faire. Si vous avez des amis autour de vous à qui vous pouvez poser la question. Non, personne de particulier. Bon, on continue. Ok, donc on va demander à Malak, qui a pris un tour de parole. Merci, Malak. Bonsoir. Moi, je voulais réagir. J'arrive un peu après la guerre, mais au propos de notre ami marseillais, dont je ne connais pas le nom. Et en fait, j'ai voulu réagir parce que j'ai pas supporté en fait la condescendance avec laquelle il nous a vus. Cette condescendance d'ailleurs qu'on retrouve dans certains médias droitiers, des losers, des bobos. Ça m'indigne. Je comprends sa colère, je comprends ses frustrations, mais je pense surtout qu'il n'a pas compris le fondement de ce mouvement qui permet aux gens de se réapproprier la politique, de se réapproprier la parole, d'agréger leur indignation. Et à son indignation, j'ai envie de dire, agrège-toi, participe aux commissions, participe aux actions concrètes qui se font tous les jours. Ici, ce n'est pas que du blabla. On essaye de construire, de réfléchir à une alternative. On n'est pas dans un consensus nié, mais on essaye de se réapproprier, de revigorer les gens et de réapprendre à agir et à réfléchir politique. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il ne reste qu'une dame, une femme pour parler. Donc, on donne la parole à François. François. Vous m'entendez, là, comme ça ? Bon. Non, pardon. Oui, depuis le 8 avril, nous avons fait un sondage oral puis écrit à partir du 15 avril. Il concernait 146 personnes ici sur la place qui ont répondu. Le thème était démocratie, oligarchie, respiration de la démocratie, nos aspirations. Je vais vous donner les questions et les réponses ensuite. Les questions, première question, êtes-vous favorable à la limitation du nombre de mandats dans une même fonction, député, sénateur, maire, etc. Et si vous êtes pour la limitation... Alors, un mandat, deux mandats, trois mandats. Même question pour les maires des grandes villes et des petites communes. Deuxième question, êtes-vous pour ou contre diminuer le nombre de parlementaires et particulièrement celui des sénateurs ? En Allemagne, ils sont 69, chez nous, ici en France, 348, avec une part de sénateurs tirés au sort. Hein ? Troisième question, pour l'Assemblée nationale, êtes-vous favorable à la représentation proportionnelle de 10 à 100%? Quatrième question, finalement, on l'avait mal formulée, je passe. Hein. Cinquième question, êtes-vous pour ou contre l'inversion du calendrier électoral législatif d'abord? Ça, c'était pour diminuer les pouvoirs du président. Les réponses. Alors, sur 146 personnes, si vous voulez, 88 ont accepté de répondre. 12 ont refusé, alors soit parce qu'ils sont pour la démocratie directe immédiatement, ou se déclarent anarchistes, et plusieurs aussi ne comprenaient pas les questions, hein, surtout ceux qui ne votent jamais. Hein. Alors, les résultats, sur 88% qui ont voté, 93% ici sont pour limiter le nombre de mandats des élus. Alors, 59% sont pour deux mandats, 29% sur un seul mandat. Pour les maires, c'est à peu près les mêmes résultats, sauf pour les mandats des petites communes où un bon nombre disent qu'il faudrait qu'ils restent plus longtemps. Deuxième question, diminuer le nombre de représentants, surtout c'est les sénateurs. 73% sont pour, 18% sont réservés et 5% contre. Troisième question, l'Assemblée nationale. 48% sont pour qu'il y ait 50% de députés élus à la proportionnelle, 20% à 100% et 21% pour qu'il y ait 20% de députés à la nationale. J'ai dépassé déjà ? Je peux parler de la conclusion seulement ? 30 secondes. Alors, conclusion. Nous sommes plusieurs à avoir décidé de créer une commission proposition sur respiration de la démocratie, nos aspirations. Elle aura pour objectif, sur la base des résultats du sondage et de nos convictions, de faire une proposition présentée un dimanche à l'Assemblée générale de Nuit debout. Voilà. OK. Encore on relance encore. Bah alors, pour toutes qui se souviennent de l'action de Lucien, on n'est que 10 ou 15 personnes. Ils servent qu'il vient plus de gens pour montrer leur solidarité avec les Lucien là. Si ça va pour vous, levez-vous maintenant. On se rassemble devant la tente bleue là-bas. On part dans 2 minutes. Alors, s'il vous plaît. Tu sais qu'entre le moment où on a donné le rendez-vous et juste avant, il y avait déjà des gens qui étaient partis. Hein, je te rassure. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va donner la radio. Coucou, coucou, radio debout. Coucou, coucou, radio debout. Vous écoutez Radio Debout, il est 20h40, on est toujours en direct de la place de la République. Et donc dans Radio Debout, qui est un peu les oreilles de cette place, les oreilles de Nuit Debout, on part écouter ce qui se fait sur la place, mais aussi autour, et notamment les voisins qui ne sont pas tout le temps contents de ce mouvement-là, qui dure depuis maintenant un mois. Manon et Alice, on est ensemble autour de la table de Radio Debout, bonsoir. Salut, salut Clément. Et donc vous êtes allé voir des voisins qui font partie du comité République, qui ne sont pas vraiment contents de ce mouvement, qui fait du bruit, qui prend cette place depuis un petit moment maintenant. Hein. Exactement, on est allé rencontrer des gens qui habitent et travaillent sur la place et qui sont très en colère et qui sont extrêmement en colère et voilà, on s'attendait pas à autant de colère peut-être avec Alice. Donc vous êtes partie enregistrer samedi dernier, voilà, c'est ça? Oui. Et peut-être que la seule chose, moi j'ai écouté ce que vous avez enregistré, peut-être qu'il y a quand même un point commun, hein, au-delà de la colère, c'est au-delà d'être sur cette place-là, peut-être que la seule chose, une des seules choses qui rapproche Nuit Debout de ses voisins en colère, c'est peut-être le fait de détester à tel point, à ce point-là, BFM Télé. C'est très grave à mon avis, c'est la surinformation et désinformation de ce qui se passe. On vous montre constamment à BFM des images qui sont vraies, mais qui ne sont pas du tout réalistes par rapport à ce qui s'y passe. Parce que quand on ne vous montre pas les autolibes qui ont été dévastés, quand on ne vous montre pas les vitrines cassées, quand on ne vous montre pas les excréments, les vomis, les bouteilles de bière, parce que ce ne sont qu'une bande de picoleurs et rien d'autre, hein, il n'y a pas de tête pensante comme en 68, moi j'étais en 68, des Daniel Cohn-Bendit et tout, il n'y en a pas ici, hein, on n'en voit pas. Bon, alors à un moment donné, ou on dit la vérité, ou on se tait. Et après on va se plaindre qu'il y ait, vous savez, ce pays est en état d'insurrection. Nous, l'insurrection... On la voit tous les jours, hein. C'est un climat insurrectionnel, et ça, il faut le dire. Mais BFM ne vous le dira pas. Tout, il est beau, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ils font comme ça. Ils font pas oui, ils font comme ça. Vous savez, avec les mains, ils agitent les mains. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Au moins, en 68, on avait, excusez-moi, on avait des couilles. Hein, on prenait Cohn-Bendit, il prenait la parole, c'était une tête pensante, il avait des idées. Quelles idées ils ont? Devant les flics, il faut voir ce qu'ils font devant les flics. Ils miment les gestes d'amour, ils font des bras d'honneur, ils font comme s'ils leur pissaient dessus. Enfin, c'est quelque chose... Alors, évidemment, quand après ils ont lieu de charger, ben, ils chargent, et moi je les comprends. Parce que ce sont des humains, avant tout. Et alors on parlera de celui qui a un œil crevé, de celui qui a ci, qui a ça, ben, il avait caressé chez sa mère. Hein, à un moment donné, la guerre, c'est la guerre. Il faut le savoir. Bon, alors les flics, par contre, ils sont payés pour. Donc, il y en a un dans le coma. On n'en a rien à faire. On n'en parle presque pas de celui-là. Donc, je trouve que c'est de la désinformation. Et moi, je dis honte à BFM, déjà. Surtout, cette télévision est épouvantable. Donc, une haine vraiment commune de BFM voilà. Télé. Alors, ça, BFM, c'est, sûr, c'est de la désinformation. On est d'accord. Mais peut-être pas pour la même raison que nous, ici, sur la place. Mais c'était le premier point assez surprenant. Et c'était difficile d'aller les voir, d'aller à leur rencontre, parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de colère derrière. Il y avait vraiment un besoin, en tout cas une envie de parler. Comment ça s'est passé, la rencontre, l'approche pour... En fait, on avait ce projet justement d'aller interroger les voix divergentes, donc celles qui n'étaient pas forcément d'accord avec Nuit Debout. Donc les riverains se sont un peu imposés comme sujet. Et ça a été assez facile parce qu'il y avait eu toute cette affaire avec Véronique Jeunesse qui apparemment s'était fait agresser, qui en avait marre, ras-le-bol, etc. Avait fait pas mal de plateaux télé pour se plaindre justement. Qui fait partie d'ailleurs également de ce comité république. Voilà, alors elle fait pas partie du comité république, elle fait partie du... Ouais, parce que du coup ils ont plein d'antennes, c'est un peu... Ils ont des commissions eux aussi en fait. Et ils ont notamment monté, donc en plus du comité république qui était l'association de cette dame qu'on a entendue, son mari qui était présent lors de l'entretien a lui monté le comité riverain de la République en colère. Ou riverain en colère de la République. Riverain en colère, je crois. Ouais, et de la République. Parce qu'au-delà de Nuit Debout, ils se plaignent depuis longtemps, finalement, depuis même la rénovation de la place. C'est une colère qui remonte bien avant Nuit Debout, hein, finalement. Attendez. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, que c'était une colère qui était... voilà, on va pouvoir écouter peut-être cette colère qui remonte bien avant Nuit Debout. Oui. Je suis habitante du quartier. Je suis présidente du comité république que nous avons, mon mari et moi, mis en place il y a 3 ans lors de la rénovation de la place. Parce que nous, on était contre. On savait très bien que ça allait être un endroit pour les cutéreux qui allaient s'y rassembler. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est comme ça que je l'entends. Nous, on a des manifs tous les jours. 10 personnes politiques, musulmanes, arabes, italiennes, tout ce que vous voulez, kurdes, il y a de tout. Centrafricaines, il y a de tout. Hein. Tous les jours. Là, c'est les sans-papiers, Marie. Là, c'est... Voilà. Ça, c'est encore une manif qui passe, en plus de la Nuit Debout, vous voyez? Ah, c'est très exotique, ici. Hein. Très exotique. Alors, je vais prendre le son un peu. Ah. Oui, mettez-vous la fenêtre, je vous en prie. Ouvrez la fenêtre. Mais ça, c'est bon, vous allez parler. Allez-y. Non, mais c'est mieux, justement, si je fais la fenêtre fermée, comme ça, on peut bien se rendre compte de la nuisance. Hein. Il y a environ 5 à 6 manifestations par semaine. En dehors de Nuit Debout, il y a, c'est ce que je vous disais, par semaine, 5 ou 6 manifestations. Des petits groupuscules, hein. Les Kurdes, les Pépacat, voilà. Enfin, tout, il y en a plein. Les Côte d'Ivoire, les opposants à Ouattara. Hein. Les Maliens, mais ils n'ont qu'à aller au Mali faire la guerre au lieu de venir ici. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à y aller se battre pour leur pays. Il y a un moment donné, on en aura la casquette. Donc une très grosse colère. Moi, j'admire quand même le calme avec lequel que vous avez gardé tout au long de cet entretien. C'est quand même assez remarquable. Hein. Faut dire que pour obtenir cet entretien, même si ça n'a pas été très compliqué, parce qu'il a suffi d'envoyer un mail, enfin d'abord de suivre leur fil Twitter, puis de leur envoyer un mail, on n'a pas été complètement franche, je crois, avec eux. Oui, on s'est fait passer pour des jeunes étudiantes au journalisme. Mais c'est vrai que d'ailleurs, ils étaient très empathiques vis-à-vis de notre supposée naïveté, puisqu'elle nous, elle nous l'a dit, hein, vous auriez été un autre média, j'aurais pas répondu. Vous auriez été BFM, je ne vous aurais pas. Mais là, vous êtes jeune, vous débutez dans le métier, alors bon, c'est sympathique. Voilà. Donc quand même une empathie vis-à-vis de la jeunesse, quelque part, de la part de cette riveraine. Au-delà des manifestations qui sont un peu trop exotiques à leur goût, il y a aussi des problèmes très concrets, à savoir des problèmes d'urine, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent de pisser dans les rues autour de Nouébou. Et ça aussi, c'est un problème pour ces riverains. Oui, oui, donc, oui, absolument. Elle s'est beaucoup plainte de ces problèmes-là. Elle disait que ça sentait très mauvais, c'était très sale. Quand elle passait devant chez elle, c'était l'horreur. Voilà, donc on va pouvoir l'écouter. Moi, à côté de chez moi, c'est une réserve d'urine. Je l'ai en photo, tout ça, hein, des réserves d'urine. Ils vont tous pisser n'importe où. Sur les parcs chers. Ils ne le feraient pas chez eux. La statue, pareil. La statue, on la prend. Elle n'a jamais été aussi laide, la pauvre statue, tellement elle est mâchurée, pleine de pots de fleurs, pleine de... Il n'y a plus de référence aux 130 victimes. Il n'y a plus. Maintenant, il y a... Vous allez la voir, il n'y a plus de référence aux 130 victimes. On lui a même mis un chapeau gay. Palestine vaincra. Voilà, il n'y a plus que ça. Vive les Kurdes, le peuple. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, par contre... Dans les riverains, il n'y a pas que des gens qui sont aussi extrêmes que ça, tout le monde n'a pas, elle n'était pas non plus vraiment représentative de l'ensemble des riverains qui sont autour de la place de la République, rassurez-moi. Non, on est allé rencontrer d'autres riveraines, oui. Qui étaient, elles, plutôt, le contraire d'hostile, je ne trouve pas le mot là, mais l'antonyme d'hostile, et qui étaient plutôt, voilà, favorables, merci, à ce mouvement. J'ai aussi essayé de contacter les commerçants, enfin l'association de commerçants des faubourgs du Temple. Alors j'ai pas eu le réflexe de l'enregistrer quand je l'ai eu au téléphone, mais lui il rejoignait les plaintes concernant la rénovation de cette place qui selon lui est en fait un vaste complot franc-maçonnique de la nouille. Voilà. Mais il soulevait aussi également des problèmes concrets, à savoir que depuis les attentats, etc., il y a aussi des commerces qui ferment dans le quartier, puisque tout ce qui se passe autour de la place, ça fait baisser l'afflux touristique, mais les loyers sont toujours aussi chers, et donc les commerçants mettent la clé sous la porte. Mais d'ailleurs, le but aussi de l'association qui vient de se constituer, au-delà de leur colère, c'est de faire rentrer la zone du 11e, 3e, enfin... Comme une zone sinistrée. Voilà, exactement, due aux attentats, et puis là, de la nuit debout qui rajoute au sinistre. Et vous avez aussi rencontré une autre personne qui était pas forcément contre ce mouvement-là, mais qui après, dans le contexte post-attentat, avait un petit peu peur et puis avait du mal à accepter finalement qu'il y ait tout ce bruit-là, ou en tout cas que ça le mettait mal à l'aise. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu cette rencontre? Alors, c'est une riveraine, une amie d'amis, qui elle est complètement favorable à cette rencontre. De renouvellement démocratique. Le seul problème, c'est que c'est à côté de chez elle, qu'en effet, ça fait du bruit et qu'elle est encore un peu traumatisée à cause des événements du 13 novembre, qu'elle a entendu, qu'elle a vécu parce que c'était en bas de chez elle. Et donc là, le bruit s'ajoute au bruit et c'est compliqué pour elle. On va écouter ça tout de suite. Oui ? Oui, c'est Manon ? Oui, c'est tout à moi. Bonjour Manon. Salut Vanessa. Donc je m'appelle Vanessa, j'habite rue du Faubourg du Temple, pile entre la place de la République et la Bonne Bière et la Casa Nostra. Voilà, un endroit un peu sinistré. Par rapport à ce qui se passe en ce moment place de la République, nuit debout, enfin, en tant que riveraine. En fait, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'intéresser au fond, en fait. À ce pourquoi les gens sont là, ce pourquoi il y a des débats, ce pourquoi les gens se réunissent, parce que je ne vois que le côté négatif de ce qui se passe autour. C'est-à-dire que, en fait, je suis arrivée dans les rassemblements ici, je trouvais ça super. Mais après, j'ai commencé à sentir un peu cette oppression, c'est-à-dire avec les attentats, le fait que ce soit juste au bout de la rue, après les recueillements sur la place. En fait, je ne pouvais plus supporter de passer sur cette place. Je ne pouvais plus supporter de regarder ce qui se passait, comme quand je passais en face du Bataclan ou que je passais à côté des cafés, je faisais complètement abstraction de là où j'étais. Et en fait, malheureusement, maintenant, c'est devenu vraiment un stress constant pour moi. C'est-à-dire que normalement, dans cet appartement, par exemple, on n'entend rien. On n'entend pas du tout la rue. Sauf que moi, ce que j'entends la nuit, c'est les débordements de la nuit debout. C'est les cris. C'est des espèces de bruits qui ressemblent à des feux d'artifice, mais qui n'en sont certainement pas. Et qui me rappellent étrangement les tirs que j'ai entendus le soir du 13 novembre, en fait, une heure avant que ça se passe dans le quartier. Donc en fait, je vois que les camions de CRS, je ne vois que les débris de verre sur la place, je ne vois que les articles négatifs dans les Inrocks ou autres sur les débordements. Voilà, en fait. Et je trouve ça très anxiogène et ça me stresse énormément. Ça m'angoisse, en fait, maintenant. Je sais qu'à chaque fois que je dois rentrer un petit peu tard, je fais le tour pour pas passer sur la place. Enfin, je me sens plus bien, quoi. Et toi, est-ce que tu envisagerais, par exemple, de prendre la parole en AG, parce que tu peux, tu as le droit, pour dire à tous ces gens-là que toi, en tant que riveraine, c'est compliqué pour toi? Non. Non, parce que j'ai l'impression que même ce que je dis là, en fait, ce sont mes angoisses et mes peurs, et que ça n'a pas forcément lieu d'être dans un mouvement comme ça. Parce qu'au contraire, je me sens même un peu mal à l'aise de dire que ça me gêne, alors qu'il y a vraiment un côté derrière positif. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve ça chouette que les gens se rassemblent, et quand je suis passée hier, j'ai trouvé ça bien que les gens discutent, que les gens soient entre eux, qu'il y ait vraiment un côté fédérateur. Si Nuit Debout, par exemple, avait choisi de s'installer plutôt à Bastille qu'à République, est-ce que tu y serais allée? Peut-être, ouais. Enfin, j'y serais peut-être allée par curiosité, pour voir ce que c'était. Et avec plus d'intérêt pour le fond? Ah bah oui, du coup, oui, alors que là, au contraire, j'ai comme une espèce de... Oui, c'est ça, j'ai comme une espèce de rejet de tous ces rassemblements, parce que je vois que le côté négatif, finalement, est angoissant. Donc ça veut dire que vous allez à la Bastille? C'était une blague. Donc c'était le témoignage de Vanessa. Merci Manon pour cette belle rencontre. Bah ouais, c'était chouette. Par rapport à du coup l'autre riveraine très très en colère, c'est vrai que l'ambiance de l'appartement de Vanessa, j'ai fait ça à, je sais pas, une trois quarts d'heure d'intervalle, et c'est vrai que c'était un tout autre monde, même si c'était à 200 mètres d'intervalle, enfin d'écart. On appelle d'ailleurs les voisins, les riverains à venir nous rencontrer, venir parler au micro de Radio Debout, parce qu'on est vraiment une radio qui essaye un maximum de faire entendre toutes les voix, et les voix dissonantes aussi qui ne sont pas forcément en accord avec le mouvement. Tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment un appel. Voisins, voisines, venez parler de votre expérience au micro de Radio Debout. Et même non-voisins, non-voisines, vous avez le droit de venir aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir d'autres sons de cloche et de pouvoir amener peut-être ces gens-là qui ne viendraient pas forcément pour dialoguer. Oui, absolument. Les paroles dissidentes sont les bienvenues auprès des micros de Radio Debout. On vous attend et on a très envie de faire discuter des avis contraires. On pense que ça a sa place aussi sur la place de la République. Et alors, pour nous contacter, un peu de pub, c'est sur notre Gmail radiodebout@gmail.com, sur notre site internet pour nous écouter radiodebout.net et pas les autres, et Facebook et Twitter. On est partout. Et on va peut-être terminer... Peut-être repartir du côté de l'Assemblée Générale et puis... Il reste encore, je crois que la madame très en colère avait encore de la colère. C'est vrai qu'elle pensait, elle fait un peu des prévisions, je pense que tu l'interroges, sur l'avenir un petit peu du mouvement. Et elle fait des pronostics vis-à-vis de l'euro qui risque bientôt d'arriver. Tout l'été, ça va être toute la nuit de la musique, mais que la France n'est pas simplement faite de gens qui s'amusent, mais aussi de gens qui bossent. Et de gens qui bossent pour, justement, en général, donner de l'argent à ceux qui ne foutent rien. Est-ce que vous êtes entré en contact avec les organisateurs de Nuit Debout pour faire remonter, justement, tout ce... Les organisateurs de Nuit Debout, pas du tout. Les organisateurs de Nuit Debout, ils n'en ont rien à foutre de nous. Moi, je passe tous les soirs. On les entend, mais ils n'en ont rien à faire. Ce sont les rois, ils ont investi la place est à eux. Et elle n'est pas aux gens autour qui payent des impôts. La mairie de Paris dit que c'est tout à fait normal. Et la mairie de Paris, voilà... dit que c'est normal, donc on continue, continuons. Ça s'appelle la démocratie. Moi, je suis persuadée que c'est le PS qui est dessous, que Hollande va en récolter les fruits, récolter les fruits. Il y a quelque chose comme ça. C'est obligatoirement un truc comme ça. Pour qu'on leur laisse faire ce qu'ils font. Moi, je trouve que c'est un gouvernement, c'est de l'enfumage, les médias, de l'enfumage. Et moi, je vous le dis, je suis prête à aller dans la rue, moi, à mon âge, 67 ans, parce que maintenant, j'en ai marre. Concernant Nuit Debout, quelle suite est-ce que vous imaginez, enfin, selon vous, comment est-ce que ça va... Ça se termine au mois de juillet-août, ça. Ben, ça se termine, à mon avis, non, il va y avoir le football. Donc l'opium du peuple va les calmer. Moi, c'est ce que je vois. D'abord, ils comptent un peu dessus. L'opium du peuple, un autre attentat, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Mais de toute façon, l'euro va arranger tout le monde. Va arranger tout le monde, l'euro. Mais attention, s'il dresse un grand, une grande, comment dire, place de la République, un grand chapiteau pour regarder les matchs de foot, tout est possible. Tout est possible, hein. Tout est possible, et peut-être... Même peut-être faire des jingles avec des petits extraits, des petits morceaux, des petits morceaux choisis pour l'antenne de Radio 2. Voilà, parce que là, c'était un dixième de ce qu'on a, je crois. C'est vraiment sûr que sa voix restera dans les ondes. Dans les annales. On va peut-être en parlant de. on va repartir du côté de l'Assemblée Générale, puis on se retrouve ensuite sur le plateau de Radio Debout. Voilà, en tout professionnalisme. Okay, super. Merci. Bah écoutez, bah là, nous allons donc passer aux hommes. Donc, je vais appeler Smaïn. Ok. Ouais, je vais tranquille, t'inquiète pas. Hein. Merci. Alors, ça fait un mois et demi que je suis SDF, que je dors dehors, je me lève par les CRS, pas par vous, bien sûr, vous dormez. Pas que ça. Je voulais dire qu'ici, il y avait une multitude de gens. Il y avait même des CRS qui étaient à la manif. Il y avait des RG. Il y avait de la droite. Maintenant, il n'y a que de la gauche. Qu'est-ce que je vais dire ? Ben rien. Sans haine, sans armes, sans violence. On est tous ensemble, tous debout. Indignez-vous. Donnez la parole à ceux qui veulent parler, dire quelque chose. Allez dormir dehors, un petit peu. Vous verrez. Quand on vous met sur cible, vous verrez aussi. Pas que ça. J'aime pas ce monsieur qui a dispersé la foule parce qu'il y avait des gens intéressants qui pouvaient entendre ce que je voulais dire. Et ça, c'est pas correct. Il agit comme la droite. La droite, la gauche. Vous connaissez la chanson de Ridane ? Ils enverront la gauche, ils enverront la droite pour terroriser la gauche. Ils reverront la gauche pour nous terroriser. C'est un mariage dangereux. Soyez tout seul avec tout le monde. Allez debout, quoi. Merci beaucoup, Smaïn. Très bien. Donc là, nous allons de nouveau passer à une commission. Donc là, c'est la démocratie. Là. Bonsoir à tous. Je vais essayer de faire vite et c'est pour vous annoncer une nouvelle plutôt assez bonne. Alors je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont entendu parler, on réfléchit depuis quand même à peu près un mois à mettre en place enfin un processus de vote un peu plus établi qui permettrait de garantir une meilleure souveraineté à l'Assemblée et justement de garantir un meilleur enregistrement des votes que fait l'Assemblée. Donc je peux vous annoncer un calendrier pour ce processus de vote. Calendrier important parce qu'il va impliquer l'Assemblée à fond, donc il va falloir que tout le monde travaille à réfléchir à des propositions, etc., etc. Donc concrètement, le calendrier, ça commencera dimanche. Donc dimanche, l'Assemblée Générale, donc dimanche 8 mai, c'est-à-dire 69 mars, je crois, l'Assemblée Générale deviendra une Assemblée des propositions. Donc on vous invite tous d'ici là à venir, d'ici là à réfléchir à des propositions, autour des grandes aspirations, autour des grandes valeurs, etc., du mouvement. Donc réfléchissez à ça. Donc ça, ce sera le 8 mars, de 18h à 22h. Donc pour une assemblée générale un peu extraordinaire, qui sera autour des propositions. Donc les gens vont venir pour faire des propositions, l'assemblée en débattra, et ensuite elle validera ou pas ces propositions. Ensuite, dans la semaine, le mercredi, il y aura une assemblée, entre guillemets, extraordinaire aussi, puisque ce sera un atelier de consultation ou par rapport aux propositions qui ont été faites. On consultera alors en priorité, pour des raisons techniques, les commissions du pôle technique, donc accueil, infirmerie, logistique, cuisine, cantine, pardon, on les consultera en priorité parce que ils ne peuvent pas trop se dégager du temps parce qu'ils sont actifs pendant l'Assemblée, donc on les écoutera en priorité. Et puis ensuite, il y aura l'Assemblée et les autres commissions qui pourront s'exprimer en fermeture éclair, en alternant. Donc ça, ce sera uniquement pour émettre des consultations et puis pour affiner encore les propositions. Et enfin, pour terminer ce processus de vote, et c'est la date clé, ce sera le 14 mai, donc le samedi 75 mars ou samedi 14 mai, il y aura une assemblée votante où là, on reprendra les propositions qui ont été faites et on les votera. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de pas mal. Et après ça, évidemment, on enregistrera ces votes et on essaiera de définir tous ensemble. Ah oui, je termine. On essaiera de définir tous ensemble donc les grandes aspirations, etc., etc. Donc juste quelques informations techniques. Demain soir, pour ceux que ça intéresse, on fait à 19h sur la place, je ne sais pas où, mais ce sera probablement vers là-bas derrière pour ne pas squeezer l'AG. On fera une petite réunion, on vous présentera le processus de vote plus dans les détails. Là, c'est une présentation très générale. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez. On fera une présentation et puis après, il y aura une question-réponse. Donc à partir de 19h, et puis je pense qu'on en fera plusieurs dans la soirée pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux que ça intéresse par ailleurs, il y a le Wiki Nuit Debout où vous pouvez trouver les informations sur le processus de vote détaillé. Et enfin, il y a, vous connaissez déjà l'outil depuis l'autre soir avec la grande AG avec les syndicats, je termine. Il y a question.nuitdebout.fr où il y a déjà des gens qui discutent des propositions, qui en débattent, qui affinent tout ça. Donc n'hésitez pas à y aller, si vous avez des propositions, les formuler, à en débattre avec les gens, etc. Je pense qu'il est important que le 8 mai, on vienne avec des propositions sérieuses, des choses importantes pour qu'enfin on puisse discuter et montrer peut-être à nous-mêmes et puis à ceux qui sont autour de nous que Nuit Debout a des grandes aspirations et on pourra peut-être les faire connaître un petit peu plus. Je vous remercie, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont assises et d'autres debout. Alors d'abord, si vous pouviez tous vous rapprocher, histoire qu'on se réchauffe. Et puis les personnes qui sont debout, si vous pouviez aussi vous asseoir et accompagner les autres assis, ce serait génial. Et autre info, par rapport aux commissions, pour les personnes qui voudraient devenir modérateurs, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui pour demain et pour les jours suivants. Vous avez une personne qui s'appelle Lucille et qui sera là pour récupérer toutes les personnes et pour vous y inscrire. Voilà. Nous allons donc passer maintenant à une autre personne, Stéphane. Allô ? Allô, allô ? Allô ? Ah oui, Jérémy, allô ? Ça y est, tu es à l'antenne. Tu m'entends bien ? Eh ben voilà, bonjour, je t'entends bien. Super, alors bienvenue sur les ondes de Radio Debout. Donc toi, tu nous appelles depuis où ? Depuis l'île Jourdain dans le Gers. Et donc depuis l'île Jourdain dans le Gers, il y a des Nuits Debout qui se tiennent. Depuis combien de temps maintenant ? Est-ce que tu peux nous raconter tout alors, ça ? Alors, les Nuits Debout, moi j'étais souvent sur Toulouse. J'ai aidé à monter un peu, à m'occuper de Toulouse. Et finalement, on était quelques Gersois à être sur Toulouse et on s'est dit, pourquoi ne pas le faire aussi chez nous ? J'irais sortir un petit peu et aller voir dans les campagnes. Et c'est ce qu'on est allé faire. Et donc depuis, je ne sais plus, 2 semaines, je crois qu'il y a des Nuits Debout à l'île Jourdain. Donc un peu moins grosse et un peu moins régulière qu'est-ce qu'il peut y avoir à Toulouse ou Place de la République. Mais il y a quand même des gens qui se rassemblent. Donc on est 25 ou 30 qui se rassemblons. On discute, on débat, on regarde des films, on réfléchit, on mène des actions quand même aussi contre la loi El Khomri. Alors, quels sont d'abord, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques? Allô, vraiment? Je vous entends est-ce très tu, mal. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques? Alors, des enjeux spécifiques, il n'y a pas plus d'enjeux spécifiques à part une envie de reprendre aussi un peu la main dans les milieux ruraux. On est aussi particulièrement la politique rurale ne donne pas forcément beaucoup la main aux habitants. Je veux dire, il y a toujours une sorte de petite aristocratie qui est toujours présente. Donc c'était aussi cette envie présente beaucoup ici de pouvoir reprendre la main. Mais comme on n'est pas nombreux et que c'est plus difficile que sur des grandes villes où il peut y avoir des grands collectifs. Donc là, ça fait du bien d'avoir un collectif avec des gens qui réfléchissent, qui ont envie de faire les choses différentes. Et je pense que ça recrée aussi du lien et du lien politique, quoi qu'il en soit, au niveau de la campagne ou du côté rural, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est, il y a beaucoup de choses qui peuvent naître de ce point-là, de la campagne, de la ruralité. Et il y a beaucoup d'énergie et ben, il faut arriver à rassembler tout ça. Et voilà, il y a pas mal de gens qui sont rassemblés. Et les Nuits Debout sont un bon exemple parce que on est aussi porté sur par un flot, par une vague. Et je vois dans le Gers, ben, il y a Nuits Debout à l'île Jourdain, il y a des Nuits Debout à Auch qui est à la préfecture. Mais vendredi, il y a Nuits Debout à Tougette dans un petit village. Donc voilà, c'est plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a une grande vague un peu partout en France, mais également dans les campagnes, parce que les gens en ont besoin, en ont envie. Et forcément, on est confronté, comme tout le monde, au problème du monde du travail. Dans la campagne, le monde du travail n'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de travail saisonnier, de travail paysan qui est compliqué, qui est dur. Et on en rajoute une couche. Alors, cette loi El Khomri, forcément, elle synthétise beaucoup de peur dans notre milieu. Et tout ça, en même temps, fait que, ben voilà, il y a des envies qui se réveillent, des besoins qui se réveillent, des gens qui se réveillent et qui passent la nuit debout. Et alors, j'aurais une question. Tu m'as dit que vous aviez des actions. Quelles sont vos actions ? Ben là, il y avait, par exemple, ce matin, il y a eu du tractage à propos du passage de la loi El Khomri. Donc, de bon matin, on avait fait ça. Il y a une action au niveau des banques. On a vu ça, c'était fait à Toulouse et un peu partout. Donc, on va aller investir des banques armées de nos superbes Panama pour aussi expliquer que même nos petites banques, style Crédit Agricole, Société Générale, eh ben elles ont les mêmes problèmes et elles ont les mêmes fonds et elles nous volent aussi notre argent d'une certaine manière. Voilà, de la discussion. Et ce week-end, on se retrouve à Toulouse parce qu'il y a une convergence régionale, un petit peu rassembler, reprendre un petit peu tout ce qui se passe. Donc on se rassemble pour ensuite pouvoir retourner disséminer, aller planter des graines un petit peu partout dans nos campagnes. Eh bien, merci beaucoup Jérémy pour cette belle image. On va te laisser sur ces graines et on va retourner à l'AG. On va faire un truc très, très bête et tout simple, c'est de vous tourner vers votre voisin de gauche, votre voisin de droite et de prendre son numéro de portable en disant voilà, salut, je m'appelle machin. On ne sait jamais si pour une question à la con de sécurité... Un prétexte, ils nous dégagent et ils essaient de nous... Ça va un peu se désorganiser, il faut qu'on soit réactif, il faut qu'on ait une puissance de réorganisation très rapide. Plus vous aurez de contact à l'intérieur avec des amis, des gens que... Plus vous serez réactif, plus vous serez mis au courant quand il y a des actions vite, etc. Plus vous pourrez mettre au courant plus de gens quand il y en a. Donc faites ça. Ne passez pas que par les portables. Ceux qui ont des smartphones, c'est bien si... Voilà, bon... Juste techniquement, il y a des solutions que tout le monde connaît. L'application Telegram est assez pratique si vous voulez pas vous faire niquer à vie par les RG. C'est voilà, télécharger ça, c'est pas mal. Ça fonctionne pareil comme du SMS, mais voilà, voilà. Bon, il y a plein de solutions. Je ne le néglige pas. Je dis juste que. Quand on en parle entre nous, il n'y a pas de problème, on peut en parler, mais il ne faut pas qu'on reste sur ça, parce que ça nous ralentit. Quand on en parle à l'extérieur, deux tiers, un tiers, parce qu'on a d'autres idées à propager. Sinon, comme avec la polémique stérile à la con de Finkielkraut, on va passer 15 jours là-dessus. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas certaines idées à l'extérieur ici. Il y a plein de gens que tu croises tous les jours, ou sur Internet, ou qui ne connaissent pas des techniques, des idées qu'il faut propager. La violence policière, ça c'est eux. C'est eux, c'est le piège qu'ils nous tendent. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Il n'y a pas de raison de frapper les gens comme ça. Ils ont fait ça justement pour que ça devienne la polémique principale et qu'on joue les BFN. On n'est pas BFN télé. Nous, on va en parler, mais on parle d'autres choses aussi. On est là pour ça. BFN, ils veulent nous enfermer là-dedans. Mais je comprends. Mais bien sûr, mais j'étais là aussi, hein. J'étais là aussi. Moi, j'ai aucun souci. Moi, c'est la fin. J'ai aucun souci. Il y a juste mes voilà. C'est bon. Merci. Radio debout. Radio debout. Et voilà, on se retrouve place de la République. Et donc, on a Max au téléphone. Max, t'es. Ouais. Allô. T'es lycéen. Voilà, t'es lycéen à Sophie Germain. Et vous avez tenté d'occuper votre lycée, si j'ai bien suivi. Voilà, donc en fait, nous, là, ça fait depuis 2-3 semaines qu'on prépare ça dans le lycée avec Bon, au début, on a commencé avec un groupe assez restreint de personnes parce que ça peut pas, on pouvait pas laisser s'ébruiter ce truc-là auprès de l'administration, etc. Donc, on a organisé ça et en fait, c'était un peu en espèce d'alternative au blocus et de pouvoir organiser un lieu d'expression. De cours alternatifs, d'informations. Donc, on avait prévu de faire des projections, etc. On a d'ailleurs fait une quand on a commencé à occuper à 16h aujourd'hui. On a projeté Ne vivons plus comme des esclaves, qui est un film sur les nombreuses alternatives qui ont été proposées en Grèce après la crise qui est survenue. Yanis Yunoutas. Allô ? Ouais, je t'entends. Vas-y. Ouais. Ok, et donc voilà, il se trouve qu'on avait organisé tout ça. Là, on a commencé à 16h l'occupation aujourd'hui. On a fait cette projection, ensuite on a fait un débat. On a eu une négociation assez houleuse avec notre principal. Et il se trouve que bon, bah elle était obligée de prévenir le rectorat, qui lui-même a prévenu la préfecture, et ils ont décidé d'appeler les forces de l'ordre pour nous évacuer. Donc nous, on a été évacués là il y a à peu près une demi-heure, quoi. D'accord. Donc les flics sont arrivés, ils nous ont dit bon bah voilà, il y a deux manières que vous sortiez, soit vous sortez de vous-même, soit on vous fait sortir par la force. Donc nous, il se trouve qu'on avait des lycéens de seconde et de première qui sont pas forcément là pour ça, donc on pouvait pas rentrer dans un affrontement direct avec la police. Donc là, on est dehors, on est devant le lycée et on essaye de voir ce qu'on va faire demain, si on continue. Enfin, on sait pas encore, mais en tout cas, enfin, moi, je m'attendais pas à ce que ça réussisse aussi bien jusque-là. Enfin, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'intervention de la police, on a réussi à super bien s'organiser, ça s'est passé sans problème. On a eu un super bon retour de la part du lycée quand on l'a annoncé en AG hier. Ah, parce qu'il y a pas mal... Il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis, quoi. C'est-à-dire que vous organisez quand même des AG? Bah oui, nous, on organise des AG dans notre lycée régulièrement. Et là, il se trouve qu'on a fait comme prétexte une AG... Enfin, on a donné un prétexte à l'AG d'hier en disant que c'était pour la manifestation d'aujourd'hui et le blocus de ce matin. Et après, bah, dans le même temps, du coup, on a annoncé à tous ceux qui étaient à l'Assemblée Générale que, bah voilà, nous, on avait monté ce projet d'occupation et voilà. Alors toujours dans la même idée de donner des petites idées aux copains lycéens qui nous écoutent, c'était quoi le programme de ce soir que vous aviez prévu ? Bah là, le programme de ce soir, c'était il y a eu cette projection-là, du coup, qu'on a projetée à 16h. Et bah après, là, ce qu'on était en train de faire au moment où les flics sont arrivés, bah nous, il y en avait qui étaient en train de manger parce que c'était l'heure, mais c'est-à-dire qu'on commençait à préparer la journée du lendemain, donc on a fait des affiches pour décorer tout le bâtiment, etc. On a commencé à récolter des idées de plein d'élèves s'ils voulaient faire des exposés, présenter quelque chose, etc. On pouvait leur donner un créneau. On a réussi à avoir 3 salles au début, donc on s'était divisé un planning pour chaque salle et quelle activité on pourrait faire dans chaque. Le but étant que chaque personne du lycée puisse venir voir ces trucs-là en même temps que elle peut aller en cours aussi, tu vois. Parfait. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout engagé et qui a une heure de trou, bah, plutôt que d'aller en perme, il viendrait là et puis bah, peut-être qu'il pourrait... Du coup, le but, c'est aussi, en plus du symbole que ça peut créer, c'était vraiment de pouvoir communiquer avec le plus de monde possible au sein du lycée et après avoir un impact beaucoup plus positif médiatiquement que le blocus, quoi. D'accord. Comment ça se passe, la mobilisation, depuis que... Depuis le mouvement, en fait. C'est-à-dire que vous faites des AG, j'imagine que vous allez en manif groupée, etc. Qu'est-ce qui se passe d'autre ? Ou est-ce qu'est-ce qui se passe dans votre lycée ? Il y a eu des blocages ? Dans notre lycée, il se trouve que nous, on fonctionne un peu comme tous les autres lycées, c'est-à-dire qu'à chaque fois, avant une manif, on organise une assemblée générale où tout le monde est prévenu. À l'Assemblée Générale, on redonne à chaque fois les raisons de pourquoi on se bat, etc. L'évolution de la loi et de la réaction du gouvernement par rapport à tout ça. Et ensuite, on fait un vote à la fin, normalement, avec est-ce qu'on vote le blocus ou pas, quelle forme de blocus on fait, et voilà, pour que tout ça, ça soit fait démocratiquement. Et c'est pour ça que jusqu'ici, ça s'est très bien passé, parce que tous les blocus ont été votés, et à la majorité. D'accord. C'est quoi votre relation avec les profs dans ce mouvement ? Bah, ça dépend des avec qui on est assez proche et avec qui on discute de tout ça, qui viennent en manifestation avec nous et tout ça. Et puis bah, y en a d'autres qui sont moins accessibles et qui sont moins d'accord avec nous et avec lesquels on parle pas trop du coup. D'accord. Est-ce que vous avez des petits soucis avec la répression, avec les flics, quoi, grosso modo ? Personnellement, oui. Enfin, j'ai été embarqué une fois à la manifestation lycéenne du mardi, je sais plus combien. Enfin, c'était juste avant les vacances, quoi. Donc nous, j'ai un pote qui est en garde à vue pendant 24 heures à cause d'une manif sauvage après l'île debout, alors qu'il avait rien fait. Là, on a un autre camarade du lycée qui s'est pris 48 heures de garde à vue et qui a un procès au cul et il a réussi à refuser la comparution immédiate, mais on ne sait pas encore ce qu'il a. Il aura son procès le 30 mai. Donc voilà, ouais, on a des sacrés problèmes avec la police, mais bon, c'est comme tout le monde, je crois. D'accord, ouais, c'est ça, ouais. J'en profite pour donner le numéro. Je ne sais pas si vous avez fait appel à DEFCOL, qui est le collectif de défense collective. Mais peut-être que ça pourra servir. Je donne le numéro parce qu'on en parle. C'est le 07 53 82 19 10. Ouais, je les ai appris encore cet après-midi, là, justement pour les lycéens. Vous avez eu affaire au service de ce collectif, hein, Défense Collective. Nous on a eu affaire à la Legal Team. D'accord. Je ouais. pense que c'est la même chose. Ouais, je pense que c'est la même chose. Ouais, en tout cas, la Legal Team, elle est sur l'affaire de notre camarade qui a un procès là le 30 mai. D'accord. J'imagine que vous appelez massivement à ce que y ait des gens qui soient présents à l'audience. Il faudrait, ouais. Nous on commence à organiser un peu sa défense en cas de besoin si on voit que ça tourne pas en sa faveur. Je pense pas qu'il va prendre beaucoup, mais enfin voilà, c'est ouais. toujours pour. Ouais, il y a eu très très peu de relax, hein, quand même. Il faut juste le savoir. Hein. Ouais, je sais, mais c'est à dire que bon, lui, il a réussi à pas passer en comparaison. Il a aucun antécédent avec la police, etc. Ouais. Donc bon, normalement, il devrait pas trop prendre. Quoi. Entendu. Max, pour terminer notre petite discussion, est-ce que tu as des rendez-vous à donner là à la radio? En termes de solidarité, pas précisément Des rendez-vous à donner Ouais, si vous avez besoin d'un soutien. Là, on est devant notre lycée avec une bonne petite partie des gens de Nuit Debout et tous les élèves qui se sont fait virer. Ouais. Et voilà. Mais sinon, après, moi, j'ai pas spécialement de rassemblement à donner autre que ceux qui le sont déjà, quoi. D'accord, parfait. Merci Max d'avoir fait ce point avec nous ensemble sur Nuit Debout, sur Radio Debout. Merci à vous. Et puis rappelle-nous si c'est nécessaire, hein, si tu sens que ce sera D'accord. nécessaire. Ok ? Pas de souci. Merci. Bon courage à vous. Merci, au revoir. Salut. Et nous sommes donc toujours sur, je ne dirai pas le nom, voilà, à côté de moi j'accueille Maya qui travaille dans une revue qui s'appelle Ballast, mais pas que, nous parlions à l'instant des luttes, dans l'histoire il y en a eu beaucoup, et donc Maya tu es là pour nous parler justement de paroles de lutte et de paroles bien particulières puisque c'est une lutte d'une usine. Ce sont les paroles de Fralib, des ouvriers de l'usine Fralib. En effet, il y a des luttes qui rassemblent les volontés vers l'essentiel et qui, victorieuses, deviennent des boussoles. Depuis le 31 mars, on ne l'ignore pas ici, Nuit Debout pousse des milliers de citoyens à occuper des places pour échanger, se rencontrer, créer des médias autonomes et mettre en place des actions concrètes et ciblées. Une expérience qui cherche, hors des circuits, à œuvrer à la convergence des luttes. Comment rassembler autour de la même table des revendications et des espaces de contestation trop souvent dispersés ? C'est une voie incertaine, une voie difficile et jamais acquise. Alors oui, il faut parler aussi un peu des victoires. Demain, à la Générale, une salle qui n'est pas très loin d'ici, qui est Métro Voltaire, c'est une salle de théâtre, nous accueillons la parole des ouvriers de Fralib à travers celle de Philippe Durand, qui est un comédien qui a passé des semaines avec eux. Les Fralib, donc, sont les anciens ouvriers de l'usine Unilever. Ils se sont battus pendant 1336 jours. Et quand je parlais de boussole, c'est qu'ils ont, ils ont fait une très longue grève, mais aussi des occupations, des opérations de boycott. Tout ça pour ne pas être délocalisé en Pologne, pour aller 400 balles par mois. Ça a été 4 années d'une bataille juridique qui prit fin en leur faveur, ce qui est rare. On entend rarement des victoires de ce genre. Et depuis, ils ont récupéré leur usine, ils ont monté une SCOP, une coopérative, qu'ils gèrent de manière complètement autonome et sans actionnaire. Tout ça, Philippe Durand le raconte à travers leur voix. Demain, donc, à la Générale. Et nous n'ignorons pas à cette antenne les actions nombreuses, éparses, qui sont en place depuis le début de la Nuit Debout et depuis que cette loi est discutée. Et la grève générale est dans toutes les bouches. Ce sont des gestes qui disent tous la même chose. La diversité de nos formes d'action est notre force. Après la parole des Fralib, retrouvons-nous pour en parler demain. Des syndiqués, des acteurs de la Nuit Debout, des lycéens, des intermittents, des précaires, des réfugiés. Ce sera donc au 14 avenue Parmentier à 20h30, à la Générale. Merci Maya. Et donc après cette discussion, du coup, vous allez inviter qui ? Parce qu'il y aura... Demain, alors il y aura des personnes de la commission Action de Nuit Debout. Il y aura également des syndiqués, notamment Gaël, qu'on entend pas mal, qui est de la Poste. Il y aura, j'espère, des intermittents qui seront présents. D'aller à Saint-Paul, les lycéens qui ont occupé le lycée sont sortis du lycée tranquillement. Afrique. Donc, 2 minutes. Ce soir, il s'est passé quelque chose sur la place. J'ai eu. Bon, on a une commission là. Vous n'irez jamais à l'hôpital, vous ne pourrez jamais vous soigner. Donc si vous ne prenez pas conscience que la France, votre pays, est un pays de merde, vous ne le ferez jamais changer. Donc, moi, des fois, je me demande, est-ce que les gens qui viennent ici ont conscience que leur pays est un pays de merde ? Est-ce que les gens qui viennent ici, tous les jours, en ont conscience ou ils veulent défendre ce pays tel qu'il est ? Et donc, c'est de merde ou malade, je veux dire, c'est, tu prends-le comme tu veux. Ensuite, nous avons parlé avec la dame et elle a fini par me dire « Vous savez, votre président, Laurent Gbagbo, c'est un assassin. » J'ai dit « Madame, comment vous pouvez dire que le président Laurent Gbagbo est un assassin en Côte d'Ivoire ?» Elle m'a dit « Ben, je sais, c'est ce qu'on dit. » J'ai dit « Madame, vous n'avez aucun élément pour dire ça. » Elle m'a dit « Si, tous les présidents africains sont des assassins et on sait que les élections en Afrique, elles sont truquées. » Donc, ça revient au même que moi d'avoir dit la France qui est un pays de merde. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'on est tous dans une problématique qu'on voudrait tous arranger. Mais l'important, je pense que sur cette place, si on n'a pas conscience que le monde est malade et que le monde est merdique, on ne le fera jamais changer. Donc ça ne sert à rien de venir ici, si vous venez ici en disant « Moi, je suis humanitaire. Moi, ce que je fais, j'envoie des sacs de riz à gauche, à droite. Moi, je travaille pour les Restos du Cœur. Moi, je fais ci, moi, je fais ça et tout va bien. » Donc restez chez vous, ça ne sert à rien. Donc si vous n'êtes pas ici pour rencontrer des gens et pour trouver une solution pour que ce pays soit un beau pays, ça ne sert à rien de venir. Non, c'est ce que je pense. Donc la commission France-Afrique, c'est une commission qui vous permet de parler à l'africaine, c'est-à-dire vous pouvez vous insulter, vous pouvez parler fort, et il n'y aura pas de problème, il n'y aura jamais de bagarre. Mais l'important, c'est de se parler une heure, deux heures, trois heures, même pendant trois jours, et de trouver des solutions ensemble. Donc les gens qui aiment parler pour s'écouter, qui aiment parler pour se comprendre, ils viennent aux commissions France-Afrique, et même s'ils veulent parler de la France, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, les Africains en France, et je vous dis une chose, les Africains en France ne meurent pas de faim. Lorsque vous voyez des Africains en France qui ont faim, c'est parce qu'ils sont SDF ou parce qu'ils sont immigrants, ils n'ont pas le droit de travailler. Un Africain en France, il a toujours du travail. Il commence à travailler à 6h du matin ou il fait du travail de ménage ou alors c'est un étudiant ou alors il est docteur et patati patata. Donc la vérité en France, c'est que les vrais chômeurs en France, les vrais malades de la crise en France sont les Français. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, il faut qu'ensemble, on comprenne pourquoi les Français en France sont dans la merde. Et il faut le comprendre ensemble. Et pourquoi les gens qui mettent les Français dans la merde disent que les Africains ont un problème de travail en France. Il n'y a pas de chômeurs africains en France. Pas beaucoup, très peu. Par contre, le problème de l'Africain, c'est pourquoi la France bombarde son pays. Pourquoi la France pille les richesses de ce pays que vous-même, Français, vous ne voyez pas l'argent. Donc, à la Commission France-Afrique, on se rassemble tous, on en parle. Et tous ensemble, on dit ensemble, Français, non-Français, immigrés, cette société est une société de merde et il faut la changer. Et si on vient ici à Nuit Debout, c'est pour changer cet état d'esprit et pour changer ce monde ensemble. Mais il faut en avoir conscience. Si on n'en a pas conscience, on ne changera rien du tout. Merci. Alors, on est bien sur Radio Debout et on a une petite annonce à vous faire passer. C'est le lycée Jean Jaurès qui loge en ce moment 400 migrants avec femmes et enfants qui sont tous menacés d'expulsion. Donc, il y aura un besoin de soutien vers 5h du matin devant le lycée. C'est au 18 avenue Simon Bolivar, dans le 19e à Paris. C'est au métro Pyrénées sur la ligne 11 ou sur le Noctilien sur la N12 à 20, et, ou le N23. Voilà, donc c'est à 5h du matin et c'est pour essayer d'empêcher des migrants de se faire expulser du lycée Jean Jaurès où ils sont en ce moment. Radio Debout, la radio dont le cœur bat et boue. Et on a Manon, un invité assez littéraire ce soir, je crois. Oui, bonsoir Pierre. Nous avons rencontré Lionel qui est sur la place de la République depuis le début. Tu me disais quasiment deux jours après. Ouais, quasiment. Le second week-end. Le second week-end, bon, quasiment le début, voilà. Et donc toi, tu travailles à Biblio Debout. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, le concept de... Alors en fait, on voulait que sur la place, il y ait une bibliothèque, en fait. On voulait, au même titre qu'il y a une... Au même titre qu'il y a une cantine, une infirmerie, la logistique, l'accueil, on pensait que c'était important qu'il y ait une bibliothèque pour qu'il y ait des livres qui circulent, des idées qui circulent et de la culture aussi qui soit présente sur la place. Et pour être en phase avec un peu l'esprit du mouvement, on a voulu en faire une bibliothèque partagée qui appartiendrait à tout le monde et à personne à la fois et qui est constituée uniquement de dons que les gens nous font en passant, en nous laissant des livres, et on permet en retour à chacun d'aller prendre des livres voilà, dans notre bibliothèque. D'accord, ouais, c'est pas le seul endroit, il y en a déjà d'autres à Paris, donc maintenant il y en a une sur la place de la République, on vient avec un livre, et puis on a le droit d'en prendre un autre. C'est ça. D'accord. Alors, les gens, ils viennent avec quoi comme sorte de livre et ils prennent quoi? Alors, nous, depuis le début, on incite les gens à prendre des livres, à nous donner des livres qui leur tiennent à cœur. Des livres dont ils veulent vraiment faire partager avec les gens qui sont sur la place, en les incitant aussi à prendre des livres qui sont en résonance avec les sujets qui sont discutés ici. Mais en fait, les gens, ils nous donnent toutes sortes de livres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous donnent des livres engagés, il y a des gens qui nous donnent aussi les livres dont ils veulent se débarrasser. Donc il y a un petit peu de tout. Mais depuis le début, il y a sûrement des milliers de livres qui ont dû passer sur notre stand. Et donc on a vu un peu tout ce que les gens lisent à Nuit Debout, quoi. Vous arrivez à papoter un peu avec eux, du coup, sur oui. Pourquoi de tel livre est amené. Tout à fait, il y a un échange aussi verbal. Ouais, ouais. Et justement, est-ce que les livres ont changé au fur et à mesure de l'avancée du mouvement? Est-ce que tu as constaté quelque chose qui s'est modifié dans le genre de livres que les gens apportent? Alors disons qu'on a quand même... Il y a des livres qui sont revenus beaucoup, hein, et qui reviennent beaucoup. Hein. Je ne sais plus combien de fois, par exemple, on a eu un de nos amis du comité invisible. Je sais pas, il a dû venir 5 ou 6 fois au moins ce livre dans l'espace d'un mois. Ouais. Quoi. On a eu énormément Bourdieu, on a eu Foucault. Oui, donc plutôt des livres engagés. Plutôt des livres rancières. Ouais. Voilà. Qui est venu à Radio Debout dimanche, Jacques Rancière. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a des inspirations qui reviennent très souvent. Et puis il y a des livres beaucoup plus surprenants. Hein. Ça va du livre de cuisine à toutes sortes de bouquins que les gens nous donnent. Quoi. Alors je dirais pas qu'il y a eu vraiment une évolution des livres que les gens nous ont donnés. Ça fluctue beaucoup en fonction aussi des conditions d'occupation de la place. Quoi. C'est-à-dire, quand c'est difficile, notre fond, de suite, il empathie. Voilà, quand il y a plus de monde qui peut se rassembler, là, le fond, il redevient beaucoup plus diversifié, beaucoup plus riche. Quoi. Et est-ce que, justement, la quantité de livres est relativement homogène depuis le début, ou vous avez eu quand même des périodes de creux Ah, il y a eu des sacrées périodes de creux. Hein, c'est-à-dire que quand il a plu la semaine dernière et quand les conditions imposées par la police se sont vraiment resserrées... C'est pas l'ami des livres. Non, il y a eu des moments qui ont été assez difficiles. Mais on n'est jamais tombé à court. C'est ça, nous, qu'on voulait vérifier comme hypothèse aussi, parce qu'on voulait construire cette bibliothèque comme un commun qui serait géré par l'ensemble des gens qui passent ici. Mmh. Et pour l'instant, ce commun, il n'a jamais été détruit par surexploitation de la ressource, quoi. C'est-à-dire qu'il se reconstitue par les dons et on arrive à maintenir un niveau suffisant. D'accord, oui, d'accord. Donc ça se maintient par le partage et par. On a des gens par exemple qui sont revenus presque tous les jours, hein, donner les livres. Il y a des habitués qui viennent et qui prennent des livres, nous en donnent. Il y a des livres qui seront revenus aussi depuis un mois. Il y a des gens qui ont eu le temps de finir de les lire. Ah d'accord, ils les ramènent chez eux, ils les lisent et puis ils les ramènent. Ah, ouais, tout à fait. Ouais. Ils restent sur place aussi parfois pour lire les livres. Quand il fait beau et que les conditions sont un peu meilleures, on étend une bâche avec des coussins et puis les gens viennent et ils peuvent venir sur place. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as besoin, est-ce que vous avez besoin dans la vidéo de gens qui viennent vous aider, ou est-ce que vous avez besoin de main-d'œuvre, de coups de main, de livres? Est-ce que tu as un appel quelconque à faire passer? Alors là, actuellement, on s'organise par liste, sur une liste de mails, on est plus de 80. Il y a bien une bonne vingtaine de volontaires qui tournent pour être présents tous les soirs. Donc je dirais qu'en termes de coups de main physique, ça va, on est suffisamment pour pouvoir tenir. Okay. Par contre, on a évidemment besoin de livres pour pouvoir continuer, ça c'est clair. Et on fait un appel particulier. Depuis le début, on a quand même des éditeurs qui sont venus nous donner des livres. Ah aussi, super. Des livres pour les enfants aussi, par exemple? Livres pour enfants. On a des associations qui nous en ont donné, on a des libraires. Et on a même des auteurs qui sont venus avec leurs livres dans les mains, nous donner des livres, parfois même des piles de livres. Ah, c'est super. Donc nous, c'est ce genre de dons qui nous font vraiment beaucoup de bien, quoi, quand on peut avoir ce genre d'apport. Et si il y a des éditeurs, des libraires, des auteurs ou des bibliothécaires qui nous entendent et qui ont des ouvrages à nous donner, vous n'avez pas eu de problème pour les acheminer sur la place, pour les ranger, les stocker le soir? Ça reste très compliqué. Ouais. C'est la partie la plus compliquée, c'est la partie logistique. On a le soutien de la commission logistique qui fait un super travail ici. Mais comme on ne peut pas approcher avec des véhicules, c'est très compliqué. Donc tout le monde repart le soir avec sa petite partie de la bibliothèque et on la remonte en fonction des gens qui reviennent en kit. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé le moyen de durer. C'est ça. D'accord. On la remonte tous les soirs. D'accord. Donc vous avez quand même un petit peu de, vous avez quand même un petit bagage humain et physique, mais ce qui vous manque peut-être c'est de la place ou des endroits ou des bras le soir pour revenir, c'est ça? Ouais, ça ce serait appréciable. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Lionel du coup. Merci Lionel. Et on va écouter tout de suite un petit conte. Il se trouve qu'on a été hier à la rencontre de gens qui ont envie de raconter des histoires et plein d'histoires. C'est la cour des contes. Ils sont basés à Paris et c'est 8 personnes qui en fait réinventent quelques contes à leur sauce un petit peu. Donc on a été les voir hier et on a enregistré quelques contes et c'est celui-là qu'on va vous faire écouter aujourd'hui. Tu peux y aller. Alors moi je vais vous raconter une histoire qui se passe dans la mythologie grecque. La mythologie grecque, avant que ce soit des combats, des héros, etc., c'est avant tout une histoire de famille. Une famille qui est sur l'Olympe. Et là-bas, il faut imaginer le panorama. Il y a Zeus au milieu. Zeus, c'est le pater familias, celui qui décide tout, c'est le dieu des dieux, le roi de l'Olympe. Et alors lui, il envoie un coup de foudre, il envoie les CRS, il gasse tout le monde, mais il n'y a pas de consensus, quoi. C'est lui qui décide. À côté de lui, il y a Héra, sa femme, en tout cas légitime, parce que c'est vrai qu'il va voir ailleurs, qui est aussi sa sœur. Mais bon, voilà, à l'époque, on s'arrangeait avec ça. Il y a Apollon, le jeune premier, le plus beau de tous, le dieu de la poésie, le dieu des arts, etc. Et sa sœur, qui elle aussi est très très belle, c'est Athéna, déesse de la guerre. Et il y a celui qu'on n'assume pas vraiment en dîner de famille. Celui qu'on ne veut pas trop mettre dans la photo de famille, c'est Dionysos. Et lui, il est vilain. Lui, il est bizarre. Lui, il est vraiment étrange et... Moi, je me suis toujours demandé pourquoi Dionysos est le dieu le plus étrange, le plus anormal de toute l'Olympe. Et la réponse, comme toujours, tout vient de sa mère. Et pour vous raconter l'histoire de sa mère, il faut revenir il y a très très longtemps, il y a vraiment longtemps en Grèce, à une époque où la Grèce était gouvernée par des Grecs et pas par une chancelière allemande. C'est-à-dire il y a vraiment longtemps. Et on est à Thèbes. Là-bas à Thèbes, du haut de son balcon, il y a Cadmos, le roi de la cité, qui regarde son royaume. Cadmos, il est vieux. Cadmos, il est bon vivant. Et comme tous les vieux bons vivants, il se touche le ventre et il savoure tous les succès de sa vie. Et on peut dire qu'il y en a beaucoup. Ce Cadmos, c'est un monarque respecté, à la tête d'un royaume en paix et prospère. C'est un époux heureux, comblé. Sa femme s'appelle Harmonie. Et puis c'est aussi le père heureux de quatre belles filles. Mais bon, il y a quand même une ombre à ce tableau parfait, idyllique. C'est la petite dernière. C'est Mélée. Ah, elle est bizarre. Elle est handicapée, pour tout vous dire. Elle est toujours un peu à part des autres, un peu étrange. Bon, je pense pas de tabou entre nous, on se connaît bien. Je peux vous dire que, voilà, le problème, c'est qu'elle est intelligente. Pire, elle est indépendante. Et à l'époque, une fille intelligente et indépendante, c'est pas facile à vivre tous les jours. Ça pose des questions, ça met en doute l'autorité, ça met les invités mal à l'aise, et ça répond à tout. Mais bon, vaille que vaille, Cadmos, à la tête de sa petite famille, fait face à l'adversité et serre les coudes. Et puis comme la vie continue, un matin, il décide de marier ses filles. Enfin, les trois premières, ce sera déjà un bon morceau. Alors il envoie des émissaires aux quatre coins du royaume pour annoncer la bonne nouvelle, qu'il se prépare, les jeunes princesses. Accueillir tous nos invités. Aglavé, la plus douée de toutes mes filles. Toi tu iras sur scène pour jouer à la harpe, mon morceau préféré. Oui. Et c'est Mélée, la plus intelligente de toutes mes filles. Toi, tu iras dans ta chambre. Et s'il te plaît, pour une fois, laisse-nous tranquille. Alors c'est Mélée, elle rentre chez elle. Elle va dans sa chambre. Et là, c'en est trop. Alors elle prend son sac, elle prend son indépendance, et elle s'en va. Et son mari, elle le trouvera toute seule. Elle sort du palais royal, elle traverse la ville, elle traverse les champs, elle traverse les montagnes, et à la fin de la journée, elle arrive près d'un lac, dans une forêt. Et alors qu'elle fait le bilan de ses premières heures d'émancipation, là-bas, là, tout là-bas, tout au fond du lac, il y a un point blanc qui bouge et qui glisse sur l'eau. C'est un cygne. Il est blanc. Il est grand. Il est majestueux. Il est très blanc. Il est trop grand. Cette fois, c'est sûr, c'est lui, c'est Zeus. Parce qu'il faut que je vous dise, quand il s'agit d'amour, Zeus se transforme en animal. Bon, et c'est Mélée, elle est intelligente. Elle est en classe, elle sait, elle connaît la mythologie, elle sait très bien où ça va en terminer. Et elle n'a aucune envie d'être un nom de plus en bas de la longue liste des amantes pleurées à la Europe, Léda et toutes les autres. Ça, c'est hors de question, elle vaut mieux que ça, elle, hein. Pourtant, il est si blanc, il est si grand, il est si gracieux comme ça quand il glisse sur l'eau. Il se rapproche et là il la touche, il la caresse, oh, il gazouille, il roucoule, il la picore. Et le lendemain matin, ses mêlées se réveillent heureuses, et amoureuse. Elle a les papillons dans le ventre, le sourire aux lèvres et une petite plume de cygne dans les cheveux. Il faut absolument que j'annonce ça aux parents. Alors elle court, elle retraverse la moitié du royaume et elle rentre juste à temps pour le petit déjeuner familial. Et là, il y a Papa Cadmos, Maman Harmonie, ses trois sœurs et ses trois nouveaux beaux-frères. Papa, Maman, j'ai trouvé l'amour et je vais me marier. Eh ben dis donc ma fille, on fait le mur une nuit et on trouve le grand amour. Eh ben t'as pas perdu de temps ma vieille. Hein. Et quel est le prénom de l'heureuse élue, tiens, hein? Dis-nous. C'est Zeus. Zeus. Waouh. Ma fille, on n'en attendait pas moins de ta part. Eh ben écoute, invite-le à manger ce soir, tiens, qu'il rencontre sa nouvelle belle famille. Ça va être marrant, on va bien s'amuser. Ok, pas de problème, on est là ce soir. Elle rentre jusqu'au lac. Zeus. Zeus doudou. Zeus. Zeus, t'es où? Zeus. Zeus. Zeus, il y a papa qui nous invite à manger ce soir. Il faut absolument que tu viennes, tu vas voir, vous allez vous adorer. Faut vraiment que tu viennes, hein, je sais pas. Zeus. Puis je sais pas ce que tu fais ce week-end, mais on pourrait aller au parc et puis on irait cuire du bacon, on irait pêcher, et puis on se roulerait dans l'herbe avec Stéphanie, tu vois, ça va être super sympa, tu vas voir. Zeus. Zeus. Zeus répond. Et tout là-bas, là. Tout là-haut, en haut de l'Olympe. Oh, la galère. La galère. Ma pauvre fille, je suis Zeus, le dieu des dieux, le roi de l'Olympe. Et toi, tu es une mortelle qui vit encore chez ses parents. Alors, je pense qu'on s'est pas vraiment compris, là. Je vais te montrer qui tu es et tiens-toi prête. Alors là, Zeus sort le grand chaud. Et quand il sort le grand chaud, il sort le grand char. Et le grand char, c'est 400 chevaux. Un char en or massif qui crache des flammes derrière lui. Et il descend de son Olympe, en haut de son char, il traverse tout le royaume, et il arrive sur le lac, et avec un dérapage contrôlé, il met la moitié de l'eau sur toute la forêt. Et là, c'est parti, il sort la foudre. Le sanglier. Le chêne millénaire. La montagne. La ville. Oh merde, c'est mêlé. Oh la galère. Oh la galère. Et c'est tout penaud que Zeus se rapproche du corps carbonisé de son amante d'une nuit. Et il se penche pour récupérer la seule partie restée intacte, la seule partie divine, l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Il récupère le fœtus et il le met dans sa cuisse. Bon, et Zeus, ça peut être le plus fort de tous, le dieu de l'Olympe, il n'est pas au-dessus des vergetures, des nausées nocturnes, des envies absurdes de tarte à la fraise. Et 9 mois plus tard, Zeus accouche. Ou plutôt, il la jambe. Bon. Voilà Dionysos qui est né. Et pris d'un peu de remords, vu les circonstances, bon, voilà, on va essayer de lui donner quelques responsabilités divines. Ça peut être le fils d'une mortelle, on va faire un petit effort. Il sort le grand catalogue des responsabilités divines. Il reste plus grand-chose. Surtout les frères et sœurs qui sont passés avant et qui ont tout pris. Alors il fouille, et il trouve bien, le théâtre, allez tiens, les bouquetins, hop, il sort l'affiche, il le donne à son fils, il fouille, l'hystérie, allez, la folie, pas mal, et le meilleur pour la fin, le vin et l'ivresse, voilà pour toi, et bonne vie à toi mon fils, et voilà pourquoi Dionysos et le plus vilain, le plus bizarre, mais personnellement le plus attachant de tous les dieux de l'Olympe. Il est 52h23 sur Radio Debout et vous êtes toujours en direct de la place de la République. On vient d'écouter les contes de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes. Voilà, c'est un collectif qui aime bien raconter des contes. Et d'ailleurs, je crois qu'on en a d'autres pendant la soirée. On vous en fera profiter un petit peu plus tard. On ira prendre des nouvelles tout à l'heure des Cévennes où se tient la deuxième nuit debout à Aumessas. On appellera des copains de Radio Escapade qui sont sur place. On écoutera aussi un petit reportage qui a été tourné la semaine dernière pour la première nuit debout qui avait lieu dans ce petit village dans les Cévennes. Et on aura également Marie de Reporter qui viendra nous parler d'une occupation qui a lieu en ce moment à Montpellier. Mais pour l'heure, on va faire un petit tour du côté de l'Assemblée Générale sur la place de la République. Aujourd'hui, comme moi qui vends aux élections, mais pas vous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une contre-opposition, mais juste avant, s'il vous plaît, si je peux me permettre, est-ce que je peux faire passer le point technique ? Je fais passer le point technique et ensuite je fais la contre-opposition et ensuite je fais passer les lycéens. Pas les lycéens, mais les gens de Jean Jaurès. Donc juste le point technique par rapport à Google. Il suffit tout simplement à la place de Google d'installer lilo.org qui, par rapport à Google, donne directement l'argent reçu des publicités, l'argent reçu de vos recherches, directement à ce que vous choisissez. Et donc ça, c'est une alternative à Google qui existe, que vous pouvez mettre sur votre smartphone ou directement en page d'accueil. Voilà. Donc lilo.org, L-I-L-O.org. Merci beaucoup. Alors, je vais juste changer mon petit passement. Alors, je vais d'abord faire passer les personnes du lycée Jean Jaurès et ensuite la... Sophie Germain, et ensuite Jean Jaurès après, et ensuite la contre-opposition. Bonjour, moi je m'appelle Pierre, je suis en terminale ED au lycée Sophie Germain. Aujourd'hui, on a décidé d'occuper notre lycée en fait. Et donc à 16h, on s'est tous réunis dans un bâtiment en faisant des projections, après en faisant un débat, en écrivant un communiqué. Et là, il y a une demi-heure, on s'est fait virer par la BAC, en fait, qui sont venus et qui nous ont délogés. Nous, on est partis parce qu'on était une trentaine et on nous a dit, en fait, soit vous partez, soit on vous fait partir. Donc, on a décidé de partir pour mieux réagir, en quelque sorte, et continuer ce mouvement parce que je sais pas s'il y a des lycéens... Peut-être des étudiants qui bloquent leur fac. En tout cas, là, je vais m'adresser aux lycéens, mais aussi aux professeurs ou même aux parents de lycéens qu'il faut continuer à occuper. Il faut, à partir de la semaine prochaine, occuper les lycées. Il y a plusieurs techniques. Vous rentrez dans les bâtiments, vous occupez. Ce n'est pas quelque chose pour ne pas aller en cours. C'est une manière alternative, c'est d'autres choses, ce n'est pas que l'éducation nationale, c'est aussi montrer des films, donner une autre vision du monde. Et donc nous, c'est ça qu'on cherche à faire passer. Et on a fait ça, on s'est fait virer au bout de 4 heures, c'est parce que sans doute on n'était pas beaucoup, on était esselés, mais si tous les lycées parisiens font ça, si tous les lycées nationaux font ça, et ben ça sera beaucoup plus dur au gouvernement de réagir. Donc j'appelle tous les lycées à occuper la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors là, je donne la parole au lycée Jean Jaurès. Bonsoir. Alors nous, on n'est pas des lycéens. On revient du lycée Jean Jaurès à Pyrénées, qui est actuellement occupé par des migrants, des demandeurs d'asile et des sans-papiers. Et donc, je soutiens le lycée Sophie Germain ainsi que le blocage. Mais on aimerait vous dire qu'il faut aussi se rendre à Pyrénées, parce que c'est une action ponctuelle extrêmement importante, puisque... Oui, vous l'avez fait hier, mais le problème, c'est que dans la nuit, il y a 99% de risque d'expulsion de la part de la police vis-à-vis des migrants. Et donc, plus il y aura de monde, plus ça permettra d'éviter des violences et de permettre une expulsion qui se fasse de manière pacifique. Donc, on vous invite à se rendre devant le lycée Jean Jaurès à la station Pyrénées. Plus il y aura de monde, plus ça évitera les violences, plus ça ameutera les médias et plus ça évitera les bavures policières, ce qui permettra donc de soutenir les réfugiés, de manifester voilà, votre soutien sans pour autant permettre de bavures policières et de dérives telles qu'on a pu en voir les jours précédents. Donc on vous appelle à nous rejoindre à Pyrénées pour témoigner votre soutien et votre compassion. Voilà. Je voudrais rappeler pour les gens peut-être qui n'ont pas l'habitude de faire des actions comme ça spontanées, directes, c'est qu'en fait ça marche. Il y a déjà beaucoup d'actions qui sont parties d'ici pour notamment protéger des immigrés qui risquaient de se faire embarquer par la police. Et qu'en fait quand il y a 50 citoyens, 50, 100, 200 citoyens qui se mettent avec les immigrés, et bah, du coup la police ne peut pas faire ça devant les médias, ne peut pas... voilà, c'est vraiment bloquant. Donc ça marche pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, merci. Juste leur préciser, c'est à partir de maintenant. Oui, voilà, c'est-à-dire que si vous venez, c'est à partir de... Radio debout, radio debout. All we need is radio debout, radio debout, radio debout. All we need is radio debout, radio debout. All we need is Radio Debout. Vous êtes toujours à l'écoute donc de Radio Debout en direct de la place de la République et on retrouve Marie qui est avec nous ce soir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Marie, toi tu travailles pour Reporter, entre autres, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est un quotidien qui est dédié à l'écologie. Voilà, un quotidien en ligne indépendant, qui parle d'écologie mais au sens large, c'est-à-dire écologie sociale, écologie populaire, écologie politique. C'est pas juste les petits oiseaux. Et la semaine dernière, tu étais du côté de Montpellier, parce qu'il y a une radio, il y a une nuit debout là-bas, et il y a aussi une occupation d'un parc dans un quartier populaire de la ville. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vu? Tu as signé un reportage qu'on peut lire sur le site Reporter. Raconte-nous comment ça se passe là-bas, cette occupation de ce parc dans la ville de Montpellier. Voilà, alors c'est une occupation qui a été lancée il y a 2 semaines par Nuit Debout Montpellier. Mais en fait, ça fait 1 an qu'il y a une bataille qui se joue là-bas. C'est un quartier populaire de Montpellier, 70% de logements sociaux. Et il y a un petit carré de verdure au milieu de ce... Enfin, un parc, quoi. Ils appellent ça la colline. D'ailleurs, c'est une colline avec des arbres. Ça fait 40 ans que ce carré de verdure est là. Et avec tous ces immeubles autour. Et il y a 1 an, les habitants ont appris qu'on voulait y construire encore de nouvelles barres d'immeubles dans un quartier déjà saturé de logements sociaux. Donc eux, ils ont dit, on n'est pas contre les logements sociaux, mais on aimerait bien qu'on aille les construire ailleurs, parce que nous, ce parc, on en a besoin. Ça fait 1 an qu'ils mènent la bataille, le maire ne les écoute pas, le préfet non plus, etc. Devant les tribunaux, pour l'instant, ils ont juste abouti à se faire condamner eux-mêmes à payer des amendes et des frais de justice qui sont très importants pour des gens qui sont au RSA ou au SMIC. Et du coup, un peu désespéré, il y en a un d'eux qui est allé parler à Nuit Debout Montpellier, à l'AG. Il a dit ce qui se passait... Sur la place de la Comédie. Exactement, place de la Comédie à Montpellier. Il a dit ce qui se passait dans ce parc. Et y a eu un pique-nique qui a été organisé le dimanche suivant. Et le soir, il y avait 30 personnes qui plantaient leurs tentes, commençaient à occuper le parc. Et les soirs où ils craignent que les policiers viennent, ils peuvent même être 60 voire 100 à camper dans le parc. Alors comment l'occupation s'organise dans ce parc-là? Est-ce que ça ressemble à d'autres nuits debout? Est-ce qu'il y a une cantine? Est-ce que voilà, comment ça se passe l'organisation dans ce parc-là? Alors ça ressemble plutôt à une ZAD. Donc eux, ils disent pas zone à défendre, ils disent zone d'activité démocratique. Et alors ils sont très disciplinés. Parce que en fait, comme ils sont au milieu d'un quartier où les gens ils bossent tôt, ils se couchent tôt aussi. Et donc tous les matins, ils sont levés à 7h. Alors ils rangent les lieux parce qu'il faut entretenir le parc, parce que c'est un lieu public quand même pour les habitants du quartier. Et puis ils font à manger dans autogestion. Alors voilà, c'est un peu ceux qui ont envie de faire à manger font à manger. Ceux qui ont envie d'aller biner le potager pour creuser des tranchées, pour faire des buts de permaculture, vont creuser des tranchées. Et ensuite, il faut approvisionner en eau, etc. Il y a une AG 2 fois par semaine qui discute des règles de vie commune, à laquelle participent les habitants, tous les gens qui participent à la lutte, et puis les occupants. Voilà. Et je sais pas, vas-y, dis. Et j'imagine qu'il y a aussi d'autres associations qui étaient déjà là et qui militaient contre ce projet, qui soutiennent complètement cette occupation. Voilà, et en fait, y a 2 associations d'habitants qui ont mené la bataille juridique et qui font des activités sur le parc depuis 1 an avec des jardins partagés, des activités diverses, quoi. pour faire prendre conscience aux gens l'enjeu de cet espace vert. Et ces deux associations, évidemment, sont totalement impliquées avec les occupants. Alors eux, ils n'occupent pas forcément, mais ils sont là aux âgés. Et en fait, c'est, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'union de ces deux assos de gens du quartier qui sont vraiment, qui est vraiment un quartier populaire. Et donc, il y a un des zadistes qui me disait, bah, nous, on est des jeunes blancs précarisés, éduqués. Et on est là avec un quartier qui est très diversifié. Il y a des petits fonctionnaires, il y a des gens RSA, des gens au SMIC, etc. Et beaucoup aussi, de plus en plus, de musulmans dans ce quartier-là. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi un exemple en fait, d'une lutte, d'une nuit debout qui était... cantonné pour le moment, enfin, au début au centre-ville de Montpellier sur la place de la Comédie, qui a réussi à se délocaliser concrètement, et d'après ce que tu dis, ça marche plutôt bien parce qu'il y a vraiment une lutte locale très concrète qui fonctionne. Voilà, en fait, ce qui fait que ça marche, je pense, c'est qu'il y a la conjonction entre le fait que là, il y avait des forces qui sont arrivées grâce à Nuit Debout, une information qui a circulé, une cause qui a parlé à beaucoup de gens, et qui a permis de redonner un souffle quoi, à cette lutte qui, dans ce quartier-là, enfin, il y en avait qui étaient là en train de se dire « bon, bah, c'est fini, on a des grosses amendes à payer, nous, on ne peut plus assumer ça, on ne peut pas prendre un risque financier qui nous ferait abandonner la défense de cet espace vert ». Et ce qui est génial, c'est que là, bah, quand on y va, en fait, tous les après-midi, bah, y a les gamins, ils sont là, quoi, ils jouent, et en fait, les gens se réapproprient ce parc aussi, parce que... Ça fait 15 ans qu'il était laissé à l'abandon volontairement par la mairie qui ne voulait plus l'entretenir. Et, enfin, pas par la mairie, par le bailleur social qui est en fait le bailleur public qui ne voulait plus l'entretenir. Et voilà. Et donc, eux, ben, ils ont repris conscience de l'importance de ce parc. Et ils me disent tous, ben, c'est là qu'on se rend compte, c'est là que les enfants vont jouer. Et les jeunes, ben, quand ils ont un parc, ben, ils peuvent se dépenser au parc, ils peuvent jouer au parc et ils ne sont pas... en train de faire des bêtises en bas des bâtiments de la cité, quoi. Et comment la mairie réagit à cette occupation qui dure depuis combien de temps maintenant ? Alors là, elle dure depuis un peu plus de 2 semaines, sachant que les flics peuvent venir à tout moment parce que les vacances scolaires sont finies, donc il y a moins d'enfants sur la zone, et donc c'est beaucoup plus facile d'intervenir. Et qu'est-ce que tu me disais comme question ? Quelle était la position de la mairie, en fait ? Est-ce qu'il y avait la mairie, c'est donc Philippe Sorel, le maire d'hiver gauche de Montpellier, qui est totalement opposé à cette occupation. Apparemment, il a demandé au préfet, enfin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a demandé au préfet, mais on se demande s'il a demandé au préfet d'intervenir, et qui veut absolument construire ces bâtiments. Et on soupçonne même un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que sa première ou deuxième adjointe, enfin son adjointe à l'urbanisme, travaillait avant d'être élue dans le cabinet d'architecte qui est prévu pour construire les bâtiments sur ce parc. Donc on soupçonne, mais c'est pas prouvé, mais on soupçonne qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler où se trouve ce parc à Montpellier pour les gens qui habitent autour, qui aimeraient peut-être rejoindre les gens qui sont là-bas, ou en tout cas apporter de l'aide? Est-ce que tu peux nous situer un petit peu où se trouve ce parc à Montpellier? Oui, alors c'est le parc de Las Rebès, dans le quartier des Cévennes, à Montpellier. C'est à côté d'AgroParisTech, enfin c'est pas très loin de la zone AgroParisTech. Voilà, nord-est, si je me trompe pas. Et on peut retrouver ton reportage en ligne sur Reporter. En ligne sur Reporter. C'est marrant parce que tu parlais justement des Cévennes, et on va faire un petit tour de ce côté-là, c'est-à-dire c'est pas très loin, les Cévennes, c'est à 70 km au nord de Montpellier, où se tient dans des petits villages des Cévennes des Nuits Debout depuis quelques temps maintenant. C'est un reportage qu'on a reçu de Pierre de Radio Escapade, qui était à la première Nuit Debout à Homesas dans le Gard. C'était la semaine dernière, c'était mardi dernier. C'est un village de 230 habitants qui est situé à 15 km du Vigan. Et il est là aussi, se tient ce soir la deuxième Nuit Debout à Homesas. Mais on va écouter le reportage qu'il a fait la semaine dernière. On l'aura tout de suite après au téléphone pour qu'il nous raconte ce qui se passe ce soir. En fait, la loi travail, c'est vraiment la goutte d'eau. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, où vraiment tout le monde, on a ras-le-bol de cette situation de galérer pour trouver du travail, ou alors tu travailles mais t'as un salaire misérable, ou alors tu travailles mais personne te paye, donc t'es obligé d'avoir le RSA. Par exemple, moi je suis artiste et ça fait 1 an et demi que j'ai perdu mon intermittence, et je sais pas du tout comment arriver à revoir l'intermittence, et du coup je suis au RSA. Et je suis obligée de jouer gratuitement Et donc du coup, bah, je suis prise pour une moins que rien. Enfin, je ne suis pas considérée comme une vraie artiste professionnelle, alors que c'est mon cas. Ouais. Et du coup, je pense que ce cas de figure, c'est le cas de vraiment tout le monde. En fait, tout le monde est désemparé et mal... Dans son travail, parce que des fois c'est un travail forcé, t'as pas le choix de faire ce travail-là parce que tu dois nourrir ta famille. Bah, on n'a plus envie de vivre comme ça, on n'a plus envie d'être maltraité en fait, quelque part. Quoi. Alors, on va procéder au vote. Donc... Pourquoi ce choix entre Omessas et le Vigan? Qu'est-ce qui vous a déterminé? Enfin, c'était quoi les arguments pour aller soit au Vigan, soit au Omessas? Le Vigan, c'est vraiment la grosse ville où il va y avoir tous les gros lobbies, on va dire, tu vois, comme la banque, comme les banques, comme les supermarchés. C'est là où il va y avoir certaines luttes au niveau des salariés, etc. Qui vont être... C'est pas Wall Street non plus, parce que tu dis les lobbies, les banques. Ouais, je vais un peu loin. mais en fait, si tu veux, c'était pourquoi mais ça, c'était vraiment pour toucher les gens du village et pour entrer en communication avec les propriétaires du village, avec les personnes âgées du village, enfin de rentrer en lien avec tous les habitants du village, parce que on n'a aucune occasion. Enfin, on avait il y a un mois, on avait commencé justement à préparer des soirées documentaires avec débat à la fin, donc on avait réussi à réunir une trentaine de personnes, mais après ça s'est essoufflé. C'est surtout qu'il y a vraiment énormément de choses à faire sur ce village-là, rien que de faire des jardins partagés, de faire un bar associatif, il y a plein d'idées, quoi. Enfin, on s'est mis tous d'accord que c'était plus intéressant dans un premier temps de faire ça au MSS, mais de suivre aussi en parallèle l'AG au Vigan, d'aller régulièrement aussi à Montpellier. Oui, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Et c'est ce qu'on fait depuis un mois. C'est intéressant, c'est que c'est du supra-local. Et c'est un jour de la semaine, et puis il faut d'appeler le lundi, puis après le mardi, puis après le mercredi. Voilà. Sacha, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette nuit debout, de ce qui s'est passé? Je pense que c'est un bon moyen de parler entre nous et de coopérer, justement, et de parler de plein de choses comme l'élevage, l'écologie, plein de choses. En ce moment, dans ce monde, tout ça, ça gère souvent avec l'argent. Et nous, on veut faire quelque chose d'autre qui soit... plus approprié à nous. Comme quelqu'un disait, je ne sais plus son nom, une monnaie locale par exemple, ou des échanges pour pouvoir vivre avec le maraîchage, avec l'élevage et tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est voter pour le principe de réorganiser des assemblées générales, et ensuite la commission d'organisation des assemblées générales réfléchira à le jour qui convient à tout le monde. Voilà, je crois que c'est un peu tout ça qu'on aimerait que ça change. On aimerait de recréer un nouveau système, recréer quelque chose où justement on est libre, où on peut travailler mais passionnément. Enfin, on fait quelque chose parce qu'on aime faire cette chose-là, et que le lendemain, si on a envie de faire autre chose, ben, on peut faire. Même aujourd'hui, même les études, au final, elles ne servent à rien, parce qu'un mec qui a un bac plus 7, il se retrouve caissier à Lidl, alors qu'il a fait énormément d'études. Enfin, il n'y a pas de suite, quoi. Et on y est en direct tout de suite avec Pierre, qui est à la deuxième nuit debout de Homosas. Salut Pierre, ça va bien? Ouais, salut, ça va très bien, bonsoir à tout le monde. Comment ça se passe? On vient d'écouter ton reportage la semaine dernière. À quoi ça ressemble l'ambiance à Homosas ce soir? Raconte-nous un petit peu. Écoute, la semaine dernière, il y avait 50 personnes qui se sont réunies. Cette semaine, un peu moins, 30 personnes. De mener plein d'actions, de déclencher des débats dans le village et de se réapproprier la politique localement, quoi. Ce que tu disais quand on en parlait ensemble, c'est que finalement il est peu question de la loi travail lors de ces débats, lors de la précédente nuit debout. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur les enjeux, sur les luttes locales qui sont abordées lors de ces assemblées générales à Homosas ou au Vigan? Alors c'est vrai qu'ici la question de la loi travail, finalement, elle s'est peu débattue, même si il y a quand même une parole commune pour dire que effectivement il faut arriver à un retrait de ce projet. Bon, à la fois pour ce qu'il représente, mais à la fois pour le fait d'obtenir une victoire et que ça puisse lancer une dynamique au-delà. Alors, pour ce qui concerne les luttes locales, il y a beaucoup la question de la gestion forestière qui se pose. Il y a un projet de méga centrale biomasse, alors qui porte le nom de biomasse, mais... Un projet, excuse-moi, on t'entend pas très bien, un projet de centrale. Ouais, un projet de centrale qui se fait en fait à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, donc ce serait une centrale qui fonctionnerait au bois. Donc, ça concerne les Cévennes puisque le périmètre d'approvisionnement de la centrale se fait dans un rayon de 400 km autour de Gardanne. Et la crainte de beaucoup de gens qui achètent ce titre, c'est que ça soit problématique pour la gestion forestière, que des coupes à blanc soient faites, puisque la multinationale Eon promet en fait un prix d'achat du bois intéressant pour les propriétaires forestiers. Donc ça fait partie du grand sujet qui a été reposé sur la table, où du point de vue local à Omessas, c'est un sujet qui n'a jamais été débattu en fait à l'échelle du village. Et lui debout a relancé le feu. Maintenant, il faut poser cette question à la table et la mettre dans l'espace public. Voilà, ensuite, il y a la question des gaz de schiste. Les gaz de schiste, oui. Finalement, qui peut ressortir dans les discussions parce qu'il y a déjà des mobilisations très fortes qui se mènent. Il y a eu la manifestation à Barjac, donc dans le Gard aussi, qui a rassemblé 15 000 personnes déjà. 20 février. Voilà. Au-delà de ça, l'idée ici, c'est vraiment d'aller vers une réappropriation, d'aller vers l'autonomie, de donner des moyens à la fois démocratiques, mais aussi productifs. Par exemple, en se réappropriant des terres pour faire du maraîchage, des terres qui ont été laissées en friche, pour essayer de reconquérir une forme d'autonomie, finalement, à l'échelle du monde. Et tu me disais qu'il y avait d'autres Nuits Debout qui avaient été organisées dans d'autres villages des Cévennes, au Vigan, à Brissac. Tout à l'heure, il y avait Marie, de reporter, qui nous parlait de Montpellier. Est-ce qu'il y a des liens entre les différents Nuits Debout des villages, des petits villages dans les Cévennes? Alors déjà, il y a un lien fort avec Montpellier. Il y a quoi? Il y a un lien fort avec Montpellier. D'accord. Puisque les gens qui organisent les Nuits Debout là, dans les Cévennes, se sont beaucoup rendus à Montpellier. Donc on participait aux Nuits Debout à Montpellier pour commencer. Et puis ensuite, effectivement, il y a d'autres Nuits Debout qui prennent. Donc que ce soit sur Alès, bon là Alès ça reste comme une ville, hein, c'est 40 000 habitants, mais que ce soit aussi sur le Vigan où c'est une ville de 5 000 personnes, ou sur Brissac effectivement qui est un village de 600 habitants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre Brissac, Omessas et le Vigan, il y a l'idée aussi de se fédérer, de mener des actions en commun et de se rencontrer au moins une fois par mois pour voir qu'est-ce qui est possible de faire émerger comme envie de lutte sur l'échelle de ce territoire, quoi. Parfait, merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations. On t'entend pas très bien, mais on prendra des nouvelles dans les jours qui suivent. On te rappellera. Merci en tout cas pour le reportage que tu nous as envoyé de Omessas. Puis bonne nuit debout à toi. On voit que on entend en tout cas que ça SM dans le sud et dans le sud-est de la France. Et puis on reprendra de tes nouvelles très bientôt. Merci à toi. Super, merci, bonne suite sur les ondes et merci beaucoup pour ce que vous faites à Radio Debout. Et bisous à Radio Escapade, à bientôt, ciao. Ouais, merci, à bientôt, salut. Et nous sommes donc toujours en direct de la place de la République et on va peut-être faire un petit tour à l'Assemblée Générale avant de continuer la folle aventure de Radio Debout. En 89, on a Marianne en face de nous. Saluons Marianne, je veux parler à Terre France d'Afrique aussi, parce qu'il a dit que la France c'était de la merde, du shit. Ceux qui connaissent pas la merde. Bon, non, la France, c'est pas le rala. Non, non, comme vous pouvez le dire, c'est pas de la merde. On a un système qui nous protège, soi-disant, qui nous protège à travailler jusqu'à 65 ans. Voilà, tout simplement. Mais en Tunisie, ils avaient un système où c'est qu'on les égorgeait, où c'est qu'on nous mettait les menottes, où c'est qu'on nous met, on nous frappe. Bon, bref. On va pas parler du régime Ben Ali parce que ça fait mal, hein. Mais comment dire, tant qu'on arrêtera, qu'on se mobilisera comme ça, c'est bien, c'est super. Mais faut qu'on soit plus. Alors appelez vos amis. Je vous appelle à venir à Jean Jaurès aussi. à Jean Jaurès ce soir à Pyramide. Parce que, comment dire, si nous, la jeunesse de France, oui, Marine Le Pen, Mélenchon, Kroffenskrot qui est venu, ou nique ta mère, qui tu veux, viens, viens nous voir. La démocratie, c'est nous. C'est nous, la démocratie. Vous comprenez que c'est nous, la démocratie. On peut faire des nuits assises, des nuits debout, des nuits couchées. De toute façon, on se fera niquer, comme il a dit derrière. Mais, comment dire, si on fait coucher, ils pourront pas nous déloger. Eh oui, eh oui. Faisons des nuits couchées, alors. Faisons des nuits couchées. Niquons ce système. Ce système qui essaye. Qui essaye, parce qu'on parlait de démocratie. Mais depuis 1789, on n'est pas en démocratie. À cause du maçonnisme et du sionisme. Merci. Merci beaucoup. Non. Alors, s'il vous plaît, merci. On va continuer. Donc là, je vais passer à une commission. Donc là, c'est la commission logement. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je viens vous donner des informations sur les luttes. Il y a un rendez-vous pour demain. Pour aller soutenir différents collectifs sur Saint-Denis. Il y a plusieurs collectifs en lutte qui sont dans des squats, dans des situations de mal logement, et notamment un collectif qui est... ceux qui se sont fait virer depuis qu'il y a eu le raid qui les a virés, qui ne sont toujours pas reconnus comme victimes et qui sont toujours dispersés dans différents hébergements, dans les hôtels, qui sont pour l'instant pas pérennes. Et ces collectifs se mobilisent et ils appellent à un rendez-vous à 16h à la mairie de Saint-Denis demain. Il y a besoin de monde. La question du logement est prioritaire en ce moment parce qu'on peut parler de démocratie, tant qu'on est à la rue, on ne pourra jamais faire grand-chose. Donc, il y a deuxième point. À Tismons, jeudi. Jeudi, il y a un rendez-vous à 14h pour aller soutenir. C'est dans une cité qui s'appelle De l'Air. La cité De l'Air, parce que ça appartient à l'aviation civile. Il se trouve qu'il y avait énormément de logements vides depuis très longtemps. Il y a 125 personnes qui habitent et qui vont se faire expulser. Donc, ils appellent à un rendez-vous et ils espèrent qu'ils auront beaucoup de soutien. Donc ça, pour soutenir les camarades d'Atismons qui luttent pour garder leur logement, c'est jeudi, rendez-vous à 14h. Et demain à 16h, c'est directement à Saint-Denis. Merci. La lutte continue, on n'est pas fatigués. Attends. Non. Franchement, non. Alors, je fais juste passer un petit message à des jeunes qui vont parler. Il y a eu une certaine agression. Je laisse le micro. Ah, voilà. Nous, on était dans le métro. On est venus manifester avec vous. Ils sont venus. Ils ont sorti les matraques direct. Ils ont attrapé un des meilleurs... dans les entrées de métro. On n'a rien fait. On n'a pas foutu le bordel. On était venus vous s'asseoir, piave, tranquille. On s'est pris des coups de matraque. On était une dizaine. On n'a rien fait, on voulait pas foutre la merde, on s'est fait taper. Par la police. Par la police. Ouh. Voilà l'État. Par l'État. Et on vous jure, on n'est pas venu foutre la merde, on est juste venu se poser tranquille. Voilà ce que j'ai à dire. Bravo. Merci. Donc ça, c'est un petit message pour faire attention. Donc là, Radio Debout. Et donc, nous sommes toujours sous la bâche à Radio Debout. Il y a eu un petit contre-jingle, vous voyez, les jingles sont impromptus, comme ça, ils jaillissent, tac, prêts à venir nous couper la parole. Donc, toujours sous la bâche à Radio Debout, et on va peut-être partir écouter un petit conte pour nos petites oreilles d'enfants. Oui, alors non, on me fait signe qu'une information est tombée en ce moment même sur la place du Capitole. Apparemment, ça chauffe, les CRS gaz, et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un appel national qui est parti depuis la place du Capitole, hein, c'est l'appel de la place du Capitole, le bien connu, et qui est un appel à bloquer tous les McDo, parce qu'apparemment, en ce moment même, des manifestants de Nuit Debout bloquent le McDo de la place du Capitole. Donc si vous êtes dans la rue, qu'à côté de vous, il y a un McDonald's, surtout, n'hésitez pas et sautez sur l'occasion de l'occuper. Voilà, et on repart donc écouter un conte. C'est parti. Mesdames et messieurs, je vous présente Midas, le roi Midas. Midas, comme tous les rois, il a son franc-parler. Il aime dire les choses comme il les sent. Et comme il aime dire les choses comme il les sent, le jour où il a vu Apollon, le beau gosse de la famille olympienne, jouer de la double flûte dans la forêt, mais il n'a pas pu se retenir, il lui a dit « C'est nul. Nul !» On ne peut pas dire à Apollon qu'il est nul sans conséquence. Et pour le remercier, Apollon lui a fait don de deux magnifiques oreilles d'âne. Donc c'est le roi Midas. Et le roi Midas, vous allez me dire, pour l'instant, c'est surtout le roi des imbéciles. Alors oui, mais pas que. Midas est surtout le roi d'un charmant pays qui s'appelle la Phrygie. Et là, problème. Et oui, car qui dit Phrygie dit Phrygien, bien sûr. Les Phrygiens, ils sont sauvages. Les Phrygiens, ils sont barbus. Les Phrygiens, ils sont bourrins. Ils se promènent torse nu au mois de février. Ils se font des piercings en os de cerf. Et quand ils font cuire un steak, c'est sous la selle de leurs chevaux. Et en même temps, ils ont beau être très nature comme ça. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est être comme tout le monde. Être civilisé. Dans leur rêve, ils seraient athéniens. Alors ils ont bien réfléchi. Et ils se sont dit que pour être civilisé, il n'y avait qu'une seule solution. Il faut avoir la classe. Et donc vous imaginez que si le roi de Phrygie se pointe avec des oreilles d'âne, ça a mal se passer. Donc Midas est un peu embêté. Alors il réfléchit, et là il a une idée. Il faut savoir qu'en Phrygie, on a un costume national. Et dans ce costume, il y a un bonnet conique, le bonnet phrygien, dans lequel peuvent parfaitement tenir deux oreilles pointues. Alors Midas peut rentrer chez lui, ni vu, ni connu, je t'embrouille. En Phrygie, personne ne se rend compte de rien. Non, cette année, le bonnet phrygien se porte bien droit, même quand il y a du vent. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment la classe. En fait, il y a quand même une personne qui est au courant. C'est le coiffeur de Midas. Bah oui, parce que Midas, en bon phrygien, il sait que le monde civilisé, bah, il commence par aller chez le coiffeur. Alors il n'a pas pu résister au plaisir de se faire brosser ses nouvelles oreilles dans le sens du poil. En même temps, il a été très clair avec son coiffeur. Il lui a tout raconté. Tout. Surtout la mort de celui qui avait défié Apollon. Il a dit qu'on l'avait pris, qu'on l'avait coupé en petits morceaux, qu'on avait fait des chips et qu'on l'avait distribué aux chiens de la forêt. Il lui dit que si lui, ne serait-ce qu'une seule personne, venait à découvrir la vérité en Phrygie, lui, c'est pas en chips qu'il terminerait, mais en steak tartare. Vous inquiétez pas, Majesté, personne ne saura jamais que le roi Midas a des oreilles d'âne. Ça commençait bien. Le coiffeur rentre chez lui. Et là, il tombe sur sa femme. Alors, mon amour, et cette nouvelle coupe de cheveux royale, ça a été... Et il est bien embêté. Première règle du secret. Tu ne parleras point. Car si jamais tu faisais un lapsus, alors... Quick. Bon, très bien. En tout cas, n'oublie pas que ce soir, nous allons prendre un verre chez les voisins. Seconde règle du secret, tu ne boiras point, car si jamais l'alcool parle à ta place, alors, quick. Alors les deux époux vont se coucher, la femme s'endort, et au moment où le pauvre coiffeur va fermer les yeux, troisième règle du secret, tu ne dormiras point, car si jamais le sommeil parle à ta place, alors, quick. Cette fois-ci, le pauvre coiffeur se rend compte que ça va être compliqué sur le long terme. Alors il se lève discrètement et il monte sur le toit de sa maison. Et là, il invoque, il implore l'aide du dieu protecteur de la Phrygie. « Oh, petit père des Phrygiens, aide-moi !» Et aussitôt derrière lui, une voix qui lui fait « Salut !» Alors coiffeur, on a un gros secret. Tu veux t'en débarrasser ? Rien de plus simple. Enterre-le. L'enterrer ? Ah, mais oui, mais tout simplement. Ah, merci, merci Dionysos. Et aussitôt, le coiffeur s'en va. Il traverse toute la ville, il traverse toute la Phrygie. Il va dans la forêt, il traverse même la forêt, il va dans les marais. Là où il est sûr que personne ne l'entendra jamais. Et là, dans la vase, il creuse un trou. Un trou profond, un trou étroit. Et enfin seul, il se soulage. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Laurent Milassa Isoridan, Laurent Milassa Isoridan, Laurent Milassa Isoridan. Ah, ça fait du bien. Ah, vite, il rebouche le trou et il s'en va. Mais à peine a-t-il tourné le dos que dans la terre, les racines frémissent et chuchotent aux tiges des roseaux, qui susurrent aux feuilles des arbres, qui sifflent dans le vent de la plaine. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Le roi Midas a des oreilles d'âne. Eh bien, ce matin-là, je peux vous dire que les nouveaux chiens du palais ont appris de sources sûres que c'est en Phrygie qu'on fait le meilleur steak tartare. Mais je compte sur vous. C'est un secret. Donc nous voilà de retour sur Radio Debout. Alors en fait, là, on est avec des personnes qui ont une histoire à nous raconter. En fait. Donc vous étiez dans le métro. Raconte-moi ce qui s'est passé. Alors voilà, j'étais avec un groupe d'amis. On vient du 93. On était venu se poser tranquillement. On est monté, on était dans les marches du métro. Ils sont arrivés. Alors qui sont arrivés? Les CRS. Il y avait marqué police, ils étaient équipés comme des CRS. Ils sont arrivés, ils ont sorti les matraques directement. Ils ont cherché à nous frapper. Vous étiez en train de faire quoi? Vous sortiez du métro? Nous, on sortait du métro, c'est vrai, on était un peu actifs, dans le sens où on faisait des tractions dans le métro, on faisait un peu de bruit, on était entre nous. Nous, on était en train de monter les marches pour rejoindre Place de la République. À Place de la République, ils y sont arrivés, ils étaient une dizaine. Ils ont sorti les matraques directement. On a pris peur, on a couru. Ils nous ont coursés. Mon meilleur ami, il a pris des coups de matraque dans les jambes arrière. Je l'ai entendu crier. Et là, il me dit qu'il s'est pris un coup de flashball. Là, il est en ligne avec la dame qui m'interview. Donc, ils vont essayer de le mettre en relation avec vous. Il va vous expliquer. Allô, tu nous entends? Oui, je vous écoute. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, là, il y a ton ami qui était en train de nous dire que tu t'étais pris des tirs de flashball dans les jambes, c'est ça? Ah, ça fait dans la cuisse, exactement. Dans la cuisse droite. Dans la cuisse et... Ouais, dans la cuisse arrière, hein. C'est-à-dire j'étais bien de dos. Hein. C'est-à-dire que t'étais comment? T'étais debout et ils t'ont tiré dessus? Ah oui. Et ils t'ont tiré dessus, donc à bout portant, de loin, comment est-ce que ça a été? On va dire 2 mètres, je crois qu'ils étaient 2 mètres derrière moi. À côté de lui, moi, personnellement. Et ils t'ont tiré dessus, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont venus pour t'immobiliser? Honnêtement, j'ai reçu la balle dans la cuisse, mon réflexe, c'est de courir. Ouais. Et je sais pas si déjà ils me tirent une balle dans la cuisse, je me dis qu'est-ce que ça va être quand je vais m'arrêter, quoi. Et du coup, j'ai pas envie de me prendre des coups de matraque avec ce que j'ai vu et tout, franchement, j'ai peur. Et donc, t'as couru et t'as pu partir dans le métro? J'ai pu m'enfuir, j'ai pu sauver ma peau. Moi, je pensais qu'il n'avait pas réussi personnellement, parce D'accord. que j'ai pris un autre chemin et j'ai vu les deux courir sur lui. Ils étaient deux sur lui. Ils étaient deux sur toi. Et comment est-ce qu'elle est, comment ta cuisse? T'as un bleu? T'as un impact? Bah, j'ai un petit bleu, mais ça va. D'accord. Ça a ricoché un peu, donc ça va, il aurait pu mieux viser. D'accord. Et moi, il y a quand même quelque chose que j'aimerais préciser. Hein. C'est quand même, tous vous êtes jeunes, quoi. Vous avez quoi, 16 ans, 18, entre 16 et 18 ans, quoi. Non, mais il n'y a pas d'âge. Honnêtement, il n'y a pas d'âge pour manifester nos droits. Oui, bien sûr, c'est évident. Et bah, écoute, merci beaucoup. On va reprendre tes amis qui sont avec nous. Merci beaucoup, Omar. Très bien, mais je vous en prie. Donc en fait, donc voilà, donc il y a... Raconte-moi, Polak, ce qui s'est passé. Vous avez pu sortir? Moi, j'ai pu sortir parce qu'ils se sont concentrés sur lui. Après, il y en a d'autres, ils se sont fait contrôler deux fois d'affilée. Ils les ont laissés repartir parce que on n'avait rien fait de spécial. Hein. Nous, on voulait juste venir rejoindre le rassemblement sans forcément casser. On était venus se poser tranquillement, savoir ce qui se passe. Nous, on est au courant de la loi 49.3, on s'est renseigné avant de venir. On n'est pas venu ici pour foutre la merde, on est venu parce que ça nous touche aussi, pour les lois du travail, pour tout ce qui va se passer. Et on s'est fait charger vraiment sans aucun prétexte. Est-ce que vous avez des raisons particulières pour venir ici, autre que de voir ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe ici? Oui, parce qu'ils essayent de faire passer la loi travail. La loi 49.3, nous on ne veut pas qu'elle passe. Parce que c'est une loi qui permet, même si les députés ils votent contre cette loi, C'est une loi qui permet au gouvernement de faire passer la loi. Et nous, on veut pas que ça se passe comme ça, parce que nous, on est le peuple, on représente le peuple. C'est pas parce qu'on vient du 9-3 qu'on est là pour foutre la merde. Vous habitez où ? On habite à Bondy, dans le 93. Nous, on est venu soutenir tout le monde. On n'est pas venu foutre la merde. On est venu tranquille et on s'est fait charger comme des merdes. Alors qu'on était juste un peu alcoolisés, on s'amusait, voilà, sur le chemin. On a embrouillé personne, on n'a rien fait du tout et on s'est fait charger comme des merdes. Et ils savaient même pas qu'on avait fait du bruit et tout, ils ont juste attendu qu'on monte les escaliers, ils ont vu l'équipe, ils nous ont chargé. C'est du grand n'importe quoi. Pour nous, c'est pas possible. Pour nous, c'est pas possible. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Ton prénom, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Mon prénom, c'est Maury. Maury. Ouais. Explique-nous pourquoi tu es venu ici ce soir, Maury. Bah, ce soir, je suis venu pour la loi... C'était quelle loi déjà ? 49.3. Excusez-moi. La loi du travail. Je suis venu ici pour manifester et on est sorti du métro. Excusez-moi. On est sorti du métro et la police, ils ont déconné comme d'habitude. On est habillé en mode street, mais quand même, ils devraient pas. Je sais pas, on a le droit, on a la liberté d'expression, elle existe quand même. On a le droit de s'habiller comme on veut, on a le droit de parler comme on veut, on a le droit, tant qu'on respecte la loi, on a le droit de faire ce qu'on veut quand même. Donc en gros, vous avez chahuté un peu dans le métro en faisant des tractions sur les barres. Ah ouais, comme des jeunes, vous voyez. Vous êtes fait repérer comme des jeunes du 9-3 et bam, le stéréotype vous est tombé sur la gueule en même temps que la matraque. Et tout à l'heure, avant ça, moi je peux vous le dire, lui là, le chinois à côté de moi, qui est à côté de moi, tout à l'heure, on était en train de marcher dans la rue, il y a un CRS, il est arrivé avec son bouclier, il a commencé à me pousser, il a dit hey, dégage, pour me provoquer. Pour me provoquer, il a fait ça et il attendait qu'on fasse quelque chose. Nous, on était une quinzaine. Nous, on n'a rien fait parce qu'on est plus intelligents qu'eux. On sait qu'ils cherchent la merde. Ils sont équipés, nous, on n'est pas équipés. Ça, nous, c'est une provocation. C'est de la provocation pour qu'on se batte contre eux et ils savent qu'on va perdre en avance. Mais ils étaient plus que nous. Ils avaient des armes. Nous, on n'avait rien du tout. Ils m'ont poussé. J'ai rien fait. C'est une provocation qui est assez classique, on va dire, quand même. Excusez-moi, mais quand même, moi, je leur parlais gentiment. Je leur dis qu'on était là à rien vouloir chercher. On était venu à la manif. Ils m'ont carrément dit ferme ta gueule. Voilà, j'étais témoin. Juste parce que voilà. Ils m'ont carrément dit ferme ta gueule. C'est des putains de fachos. Je suis là, je leur parle gentiment. Ils me disent ferme ta gueule. C'est de l'intimidation, c'est un phénomène assez classique. Ils veulent nous énerver parce que. Est-ce que vous, au quotidien, dans le. C'est au quotidien. À Bondy, par exemple, vous avez géré. Non, à Bondy, ils font pire que ça. On veut même pas en vous en parler parce que ça servira à rien. Le gouvernement, il y croirait même pas à ce qu'ils nous font. Ils nous enlèvent les chaussures. Ils nous mettent pieds nus dans la rue, dans la rue. Chaussettes. Ils nous touchent les couilles sans les gants. Et si on leur dit mettez vos gants, ils nous disent on va vous emmener en vérif, on va vous mettre tout nu. C'est n'importe quoi. Nous on préfère leur dire bah vas-y fouille-nous, ça sert à quoi qu'on parle. Ils nous font des trucs de ouf. Ils nous font des trucs mais bon, ça sert à rien qu'on en parle. Mais si, justement, en réalité, c'est assez important. Pourquoi ? Parce que le mouvement Nuit Debout, nous on s'interroge beaucoup sur l'entre-soi, on appelle ça, c'est-à-dire les bobos, les machins, les trucs. Vous avez entendu parler de cette espèce de critique du mouvement qui dit qu'ici c'est rempli de bobos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, on est d'accord, mais nous on s'en fout des bobos. C'est, voilà, ils ont eu de la chance, ils habitent là, tant mieux pour eux. Nous on va pas chercher la merde, ils ont de la chance, nous on n'a pas de chance, c'est pas grave. C'est chacun son problème, j'ai envie c'est de vous la dire. Police, hein. Et est-ce que tu penses que justement, tu dis c'est chacun son problème, mais est-ce que tu penses qu'à un moment ça peut être possible que justement ce soit plus chacun nos problèmes et qu'on essaye de voir ensemble pour dénoncer toutes ces injustices ? Parce que ce que tu parles là, c'est profondément injuste et ça devrait pas exister en fait. Ah mais le problème, c'est que c'est l'État qui gouverne tout. C'est Manuel Valls. Manuel Valls, lui, c'est un mec qui nique tout, lui. Faut le baiser, Manuel Valls. Mais est-ce que tu penses que au-delà de l'État, je veux dire, c'est le peuple quand même qui vote pour le président, et puis c'est le peuple, il est plus nombreux aussi. Est-ce que tu penses que c'est possible que le peuple se mette ensemble pour décider ce dont il a envie ? Le peuple français, il se manifeste pas, il dit rien, il reste chez soi. Les riches, ils restent avec les riches. Les riches, ils ont pas envie de parler. Les riches, ils parlent pas parce que eux, ça les arrange. Ceux qui ont moins d'argent, et bah c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. J'ai envie de vous dire, l'État il contrôle la France. L'État il fait ce qu'il veut ici, il fait ce qu'il veut. Tous ceux qui sont de l'argent, ils profitent. Voilà, ils vont perdre. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, ils vont perdre. Et bah c'est les moutons. Mais est-ce que tu vois justement ici, justement, il y a ce qu'on appelle une AG, c'est-à-dire que tout le monde peut venir, tout le monde peut prendre le micro et dire ce qu'il a à dire. Est-ce que toi, t'aurais quelque chose à dire et est-ce que t'aurais une attente de moi, parce qu'il y a quand même beaucoup de ce que j'ai monde, envie de dire, moi je vous le dis honnêtement, là je le dis à la radio en direct, ce qu'il faut faire, c'est que tout le peuple retire les sous à la banque. Comme ça, nous on tient les banques par les couilles. Et si les banques, ils sont tenus par les couilles, on fait la révolution. Comme Cantona, il a proposé il n'y a pas si longtemps que ça et qu'il a été recalé. C'est faut que tout le peuple les retire l'argent, tout ce qu'ils ont dans leur, dans leur compte, on retire tout. La révolution française, elle a pas été assez bien faite, je trouve. C'est ça le peuple, ce qu'il doit faire. C'est tout ce qu'on retire en même temps. On retire tout ce qu'on a. L'État ressemble de plus en plus à la monarchie. Samir, tu voulais dire quelque chose ? Ouais. Ben vas-y, pour les banques, tout ça, faut s'unir. Faut qu'on soit tous unis. Tous unis pour leur faire la misère, faut rien lâcher. Jusqu'à ce qu'ils retirent tout ça, la loi, tout ça, faut rien lâcher. Faut qu'il y ait plus de monde tous les jours. Faut toujours qu'il y ait plus de monde à République. Parce que les gens, je vois, ils commencent à partir, tout ça, ils commencent à faire des trucs bizarres, faut qu'ils reviennent, wesh. Revenez. Aïe aïe aïe, il a tout dit. Maintenant, faut qu'on s'unisse tous. Tout le peuple français. Tout le monde. On retire tous en même temps. Faut qu'on fixe un jour où on tire tous en même temps l'argent. Tout ce qu'on a sur notre compte, on le tire comme ça, les banques elles sont tenues par les couilles et on remet tout à zéro. Tous les intérêts, tout ça, c'est fini pour eux. Tu veux dire une dernière chose peut-être ? Non ? Eh ben écoutez, franchement, merci beaucoup. Ah, vous en prie, c'est normal. Hein. Merci beaucoup d'être venu parler. Et tu vois, ça sert pas à rien en fait de parler. C'est vraiment ça fait plaisir. Important. Voilà. Et venez vous remercie tous. À vous de nous avoir donné une parole, de la parole, même si on vient voilà, d'autre part et tout. Au moins, vous nous donnez une chance. Ça, c'est gentil de votre part. C'est pas gentil, c'est normal. Ah, c'est normal alors. Bah, ouais, merci. Petite dédicace à la banane, 75020. Ouais, AB2L chez Fire, aïe aïe. Ouais, photo. Dédicace à Momo, dédicace à tout le monde. Bondinard, 293, aïe aïe. Nous, c'est le 20e, my gueule. Ça va tout le monde. Donc, moi, je comprends pas la démocratie. Ça ne peut pas être la démocratie pour les Allemands ou pour les Français, mais la démocratie, ça doit être pour toute personne. Donc, je n'ai pas compris. Et il ajoute, je ne comprends pas un système. Ici, il y a une démocratie avec un président à la tête. Et ça, c'est impossible parce que, voilà, une démocratie, ça ne doit pas être le présidentialisme. Voilà. Oui, on veut des présidents d'autres. Ich meine, wer ist wie eine, ich meine, wer ist der Präsident? Ist es dort? Nur eine Stadt hier, Paris. In Frankreich ist groß, aber gibt's nur Paris, weil ich Präsident sitze hier. Das ist, ich weiß nicht, wie heißt nochmal. Ich danke euch alles. Ich danke. Ich brauche nur eine Kuvert, weil ich schlafe auf der Erde, weißt du? Merci beaucoup. Donc il dit, voilà, en France, tout est centré sur Paris. C'est parce que le président a son siège ici, mais ça, c'est pas possible. La France, elle est très grande. Et il ajoute, je demande juste une couverture parce que moi, je dors par terre et voilà mon besoin immédiat. C'est ce qu'il dit. Et il vous remercie tous. Tous et toutes. Alors, si une personne a une couverture à lui donner, ben, ce serait avec grande joie. Merci beaucoup, en tout cas. Je vais donner maintenant la parole à une femme, Agnès. Bonsoir. Donc, dans un souci de parité, j'avais pas forcément l'intention de prendre la parole, mais déjà, je suis très contente de voir qu'il y a encore des gens. Je trouve que c'est dommage qu'il y en ait si peu. J'ai l'impression qu'on les rangs, disons, se réduisent et c'est très dommage. Donc, j'espère que c'est juste temporaire. Moi, je voulais juste parler d'une chose très simple en fait, à laquelle, enfin, j'espère que ça a été discuté hier. J'ai pas pu être là. Mais c'est la question de la réduction du temps de travail, en fait. Parce que là, on est en train de lutter contre une augmentation du temps de travail. Mais en fait, je pense qu'on devrait aller carrément plus frontalement et essayer de penser la possibilité d'une réduction du temps de travail, en fait. Parce que moi, je... Alors, je précise que derrière, en fait, la modératrice se fait doucement agresser, en fait, actuellement. Donc, c'est-à-dire que si elle est là depuis plusieurs heures, ça doit être horrible. Parce qu'en fait, je décris simplement, mais ça doit être absolument ultra anxiogène. Je sais pas si t'es là depuis longtemps, enfin... Voilà, donc elle se fait agresser sous vos yeux, en fait. Vous assistez actuellement à une agression, en fait. Je me permets, voilà, de commenter le spectacle. Ça a dû être très agréable pour toi. Voilà. Quoi ? Et donc, je parlais de la réduction du temps de travail, en fait. On est actuellement, enfin, il me semble que pour tout un tas de professions qui sont extrêmement épuisantes physiquement, le volume horaire actuellement est absolument démesuré. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les professions, que ce soit de l'hôtellerie, enfin, je pense en particulier aux professions qui sont physiquement éreintantes, le volume horaire, en fait, ne permet pas de s'adonner à d'autres activités. C'est-à-dire qu'en fait, les individus sont partagés entre un temps de travail et un temps de repos physique, en fait. Mais il reste plus du tout de temps pour faire autre chose qu'être un travailleur. Et il me semble que être un travailleur, ça suffit pas pour faire un individu, en fait. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse très sérieusement. Je sais qu'ici, il y a des tonnes de choses qui sont soumises, des tonnes de projets qui sont soumis et qui sont plus ou moins réalistes, qui paraissent à l'Assemblée globalement plus ou moins réaliste, mais quand je parle de la réduction du temps de travail, c'est pas du tout utopique. Moi, je pense que très concrètement, en fait, il faut qu'on réfléchisse à ça de manière très très concrète. C'est une tendance, ça a été pensé par des gens qui sont dans leur domaine très très... Ça a été pensé par des économistes, par des sociologues, par des psychologues, par des philosophes. Et en fait, c'est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment idéologique, en fait. Ça se fait déjà des pays. Enfin, bon, c'est pas un pays, c'est un îlot, disons. Mais notamment à Berlin, en Allemagne, en fait, il y a énormément de gens, même des gens qui exercent des professions qualifiées, en fait, comme des architectes, comme des avocats, qui ont un taux de rémunération qui est très élevé, enfin une rémunération horaire qui est très élevée, mais plutôt que se dire en travaillant à temps plein, je gagne très bien ma vie, ils se disent de quoi j'ai besoin, et en fonction de ça, ils réduisent en fait leur temps de travail. Et donc ça leur laisse beaucoup plus de temps pour faire des choses, pour l'épanouissement personnel en fait, pour l'associatif entre autres, mais aussi juste pour une question d'épanouissement personnel. Donc je pense, j'invite toutes les personnes dans leur domaine, que ce soit des économistes, des psychologues, des philosophes, ou juste des individus, à penser vraiment cette question de la réduction du temps de travail, comment c'est possible, comment on peut penser ça. Et j'ai la conviction que c'est surtout idéologique, en fait, parce que les institutions, le gouvernement ne va jamais prôner ça. Donc comment, nous, à notre échelle, on peut faire exister ce mode de vie et lui donner de la visibilité et lui donner de la réalité. Merci. Alors, j'ai juste un dernier message à vous laisser. Il nous reste 5 minutes, donc je vais donner la parole à... Je le dis avec beaucoup de franchise, et je suis humaine quand même, à la personne qui m'a agressée tout à l'heure, parce que je pense qu'il a besoin de parler. On va lui donner son temps de parole. Voilà, moi, ça fait 4h, 5h que je suis là. C'est la première fois que je fais ça en tant que modératrice, donc c'est une fierté, et en même temps, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je pense avoir tenu le coup, là. Je pense que je vais revenir aussi les autres fois. Je voulais juste laisser un petit message. Moi, je parle en tant que femme. Je sais pas si je suis féministe ou pas, mais je sais que depuis ces 4 heures, il y a au moins 4-5 personnes qui sont venues m'agresser. J'ai tenu le coup. Mais il y a un moment donné, il faut aussi respecter. Je suis là avec vous. Je suis là pour partager des choses. Et donc, ces personnes qui viennent agresser ont aussi des choses à dire. Mais il y a un moment donné, il faut aussi garder leur colère, garder les insultes dehors. Et s'ils veulent dire des choses intelligentes, c'est ici. Voilà. Je vais donc maintenant donner la parole à la dernière personne, donc le fameux Pascal. Non, alors je vous explique, il nous reste 5 minutes, c'est la fin de l'assemblée. Si on continue, on est gazé. Je ne sais pas ce que vous voulez, moi non plus. Je veux qu'on reste ensemble, qu'on sourie, qu'on rigole et qu'on fasse autre chose, mais qu'on évite d'être ici. Voilà, Pascal. Non, mais bien sûr... Radio Debout. Quelqu'un qui nous appelle en direct de Toulouse, justement, nous venons de parler de Toulouse. Alors toi, tu es au Capitole, c'est ça? Ouais, c'est ça. Genre, je suis au Capitole, là, ce soir, du coup, bon, il y a une action. Là, on est très peu nombreux sur la place. Vous m'entendez ou pas? Oui, je t'entends très bien. Ok, du coup, en fait, il y a une action, et du coup, là, ce soir, on n'est pas très nombreux sur la place Capitole, parce que du coup, c'est parti. On a des copains qui sont fait arrêter ce soir sur l'action. Du coup, il y a eu une... Ouais. C'était quoi, l'action? Alors du coup, on a occupé un McDonald's, la place principale de Toulouse, pendant plus de 3 heures. Enfin, je sais pas calculer, mais 3 heures, voilà, pour... ouais. Comment est-ce que ça a été pris par les gens qui étaient dans le McDonald's, par les employés, par les clients? Alors du coup, c'est parti, parce que du coup, on a occupé de manière progressive. Du coup, on est arrivé, les gens sont partis au fur et à mesure, et là, après, on est arrivé quand même de manière assez massive ce soir-là. Du coup, après, on a fini par occuper réellement le McDo avec juste, on va dire... les employés qui étaient entrepris parce qu'ils pouvaient pas sortir de leur McDonald's. Et après, quasiment tous les bénéficiaires ou ceux qui ont mangé au McDo sont sortis entre-temps. D'accord, et ensuite vous êtes restés, et donc ensuite la police est intervenue. Et après, du coup, on est resté quand même un bon bout de temps devant, parce que du coup, on a eu aussi les badauds qui sont arrivés. Du coup, on était assez nombreux devant, encore, à pas rentrer à l'intérieur. Du coup, la force policière n'est pas forcément intervenue directement. Et après, il y a eu un appel, voilà, dispersion. Voilà, et du coup, sur la place du Capitole, c'est assez calme. Sur la place du Capitole, là, à l'heure actuelle, là, on est une vingtaine, trentaine de personnes encore ce soir. Les autres sont partis sur une manif sauvage et un rassemblement sur le commissariat pour soutenir les copains qui sont fait arrêter. Il y a eu beaucoup d'arrestations ? Alors moi, à mon compte, j'en ai 3. Je crois qu'il y en a un peu plus que ça. D'accord. Il y a combien d'arrestations ? 3 ? Nico ? Ouais, 3. Et donc, nous, on nous a dit que vous appeliez une occupation de tous les McDo en France. Ah non. Alors, c'est une rumeur. C'est juste une rumeur. Ah bah voilà, on nous avait dit que depuis le Capitole partait un appel national pour l'occupation de tous les McDo. Après, si on peut, on aimerait vraiment faire ça. Mais là, je pense que là, on s'est tous dispersés ce soir, ça va être compliqué de pouvoir le mettre en place. Après, vraiment, on aimerait faire une action réellement là-dessus. D'accord. Et McDonald's ou les fast-food. Écoute, merci beaucoup, merci à toi. Et, avec plaisir. Passe une bonne soirée. Ouais, bonne soirée à vous. Puis n'hésitez pas à nous contacter parce que du coup, ni de vous tous, on est là depuis 3 semaines et on se bat. Et voilà, nous sommes là tous les soirs. Eh bien oui, nous sommes là tous les soirs, comme nous aussi, sous la tente de Radio Debout, malgré le vent, malgré le froid, malgré la pluie, tous les jours, tous les soirs. Voilà, pour vous accompagner, on est très contents d'être là et d'être toujours là. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une belle soirée et surtout faites de beaux rêves. Radio Debout.